Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 17 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est François Olivier. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Ben oui. Les trois. Les trois, mais on est deux. Hey, ça marche pas. Non, ça fonctionne pas. Écoute, on va essayer de rétablir ça là, pour être au moins trois tantôt. OK, bonne idée. On pourrait commencer, mettons, avec, je sais pas, un certain Maxime Bilodeau. On pourrait lui demander de venir à 7h30. OK, parfait. Je sais pas si l'appel va être entendu, hein? Si l'appel se fait entendre. En tout cas, aujourd'hui, je ne serai pas allé tant que ça, il n'y a pas neigé. Non, pas tant que ça, mais c'est quand même glissant hein, sur les routes. Donc, soyez prudents. C'est on ça. Roule pas vite. On part d'avance. Toutes des bonnes... Quel conseil! Ça, c'est des beaux conseils. Des beaux conseils ce matin, comme ça. Fiez-vous là-dessus, ouais. Les amis. Eh oui. Donc, aujourd'hui, à l'émission, Maxime Bilodeau qui va nous parler d'habitude et d'espérance de vie. En fait, si je peux me permettre... Il nous dit « Chaque jour, nous effectuons de bons et mauvais choix alimentaires. Nous nous comportons d'une manière bénéfique ou dommageable pour notre santé. Bref, nous effectuons des gestes qui, théoriquement du moins, haussent ou baissent notre espérance de vie. Mais comment traduire concrètement ces gestes? Autrement dit, comment comparer entre eux et additionner l'ensemble de ces bonnes et mauvaises habitudes de vie pour arriver en bout de ligne à un chiffre exprimant l'espérance de vie gagnée ou perdue? » Cette semaine, dans le cadre d'une foulée à l'autre, il va nous exposer un moyen ou une unité, en fait, mise de l'avant par le mathématicien anglais David Spielhalter de l'Université de Cambridge pour exprimer cette réalité. OK. C'est à 7h30, ça va être peut-être complexe. Ça va être complexe. Écoute, on va essayer de suivre... Suivre Maxime. Ben, je dirais que Maxime, c'est un grand vulgarisateur. Oui, oui, ça va bien. Et quand sac on comprend pas, il voit, il nous le réexplique. Tu dis pardon. Pardon, pas sûr de bien comprendre. Puis en fait, il utilise d'autres termes et puis. Il est bien bon. Ah, il est bon. Ouais. Il est bon. Il est beau. Il est beau. Il est beau. Un peu comme toi ce matin. Merci, particulièrement, là, t'es joli. Je sens bon. Non, ça non. Non. T'es joli. D'accord. Faut que je me regarde. Oh, ouais. Je touche certains sens. Pareillement, à 8h. Hey, pareillement. C'est ben cheap là, comme compliment. Tu sais, qu'est-ce que je fasse, là? C'est cheap. Toi aussi, t'es beau. Oh, pareillement. T'es tout monochrome. Oh, je t'aime. Oh, moi aussi. T'es tout monochrome, François. T'es tout gris. T'as l'air triste. J'étais pendant au noir. Ah, okay. En signe de deuil. OK. En signe de deuil de ton travail à assemblage requis temporairement. Ouais, et que mes cheveux tombent, tu sais. Mes cheveux tombent, Matt. Mes cheveux tombent. Faut que tu lâches l'émission pendant 5 semaines. Faut que tu me dises un fait là, pour que les cheveux repoussent, là. OK. Hein? Je connais pas ça. Moi, tu vois, j'ai une coiffure tellement luxurieuse. Luxurieuse? En abondance? En abondance. Pour vrai, tu manques pas le cheveu. Sauf dans le coin ici. Ouais, à mais gauche. Là, ouais, mais, là, mais ma coiffure dit qu'un jour, je vais commencer à les perdre. Hein. Bon. Bientôt. T'en as quand même épais. J'en ai épais. Ça va bien avec ma personnalité. C'est ça? C'est ça que tu veux dire? Je savais. Fais-moi pas des mots dans la bouche. Là. Bah! 8h? 8h, l'épais. 8h, on va voir Jasmine Raymond-Dréville de la GEQTR. J'imagine qu'on va revenir un petit peu sur le party, le spectacle de la rentrée qui avait lieu hier soir. Qui se déroulait hier soir, exactement. Et puis, c'est la première de l'année hein, pour Jasmine. Oui, retour depuis, on l'a pas vu depuis le mi-décembre, comme plusieurs de nos chroniqueurs. Comme François Landry, d'ailleurs. Oui, même chose, à 8h30, qui va être avec nous pour nous parler. En fait, son sujet d'aujourd'hui à François Landry est année 2013, deux petits points. Okay. Année du serpent, parenthèse, première partie, ferme la parenthèse. OK. Serpent échelle? Ça monte, ça descend? Ah, peut-être! Tu vois, toi, tu détectes... Non. Dis pas ça. Écoute, à chaque fois, j'ai eu tort. Ouais, quand j'y pense maintenant, c'est vrai. Fait que, non, écoute, je suis pas prêt à dire ça, là. Mais il est peut-être ça. Qu'aujourd'hui, j'ai raison, je sais pas. On va voir. Ça a du sens. Je te dis que ça a du sens. Moi aussi, je trouve. Vraiment? Je trouve, mais... Pour une fois. Hein, pour en savoir plus, c'est vers les 8h30. Exact. Émission chargée, donc... comme à tous les jours, mais particulièrement aujourd'hui. Et en tout début d'émission, on va vous aider à dépenser vos cartes cadeaux nombreuses que vous avez eues pour Amazon ou n'importe quoi directement dans la chronique. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Il y a des cartes cadeaux Amazon, oui, j'imagine. Oui, mais ouais. Maison qu'il y a des cartes cadeaux Amazon. Puis c'est, je te dirais, le genre de cartes qui... que t'aimes bien. Que j'aime bien. ça me plaît pas mal, même. Que t'aimes bien. Écoute, j'ai reçu hier, justement, en parlant d'Amazon, j'ai reçu ce que j'avais commandé. C'est des petites plugs là, pour faire fitter en fait ton ancien chargeur pour l'iPhone 5. Mais oui, ouais. La prise Lightning Connector. Ouais, c'est ça exactement. Tu l'as eu, ça fonctionne. Ouais. C'est un vrai Apple ou t'as commandé des autres là? Ben, je pense pas que ça soit Apple. En fait, c'était comme pas spécifié, c'était pas cher. Donc... Ben, déjà là, hein, tu pars. Mais c'est blanc, et puis écoute, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de lousse, il n'y a pas. Formidable, en fait. Bon. On est bang! Tant mieux! Merveilleux. Non, Amazon, je suis un grand fan. Ah, moi aussi, ça va bien, écoute. Ça va excessivement bien. Le shipping est souvent gratuit. Oui. Que d'avantages. Tout à fait. Voilà. Donc, si vous voulez des cartes cadeaux là, sur Amazon, c'est vraiment la solution pour les geeks. On a tout. On commence l'émission en musique comme on le fait toujours. Voici Yukon Blonde et la pièce Radio. Assemblage requis sur C'est Fou. Je sais tout faire, même enterré mort. Sous terre, j'ai la clé de ta porte. Je suis dans ta chambre. As-tu des rêves à me vendre? Ferme la lumière. Je sais que tes mains me sont ouvertes, toutes grandes. Qu'on s'envole en flamme, qu'on atterrit ensemble. Hallelujah, save my soul. Et je partirai. Bête qui mes prochains plats tapis dans l'ombre. Oh, yes, c'est ma soul et je partirai. Affamé comme un ours, j'ai bien envie de te faire la cour. On se plaît dans l'ivresse, la drogue et le sexe. Dis-moi chérie, veux-tu faire l'amour? On continue de vivre dans un conte de fées, dans un livre de cap et d'épée. Alléluia, merci. Différente de ses autres pièces, Karim Ouellet avec le lapin blanc. Moi, j'aime ça. Oh oui, tout à fait. Karim Ouellet, c'est super bon. Oui, il est beau. On aime ça. Il est beau puis il est fin. Il est beau. Il est fin, oui, c'est vrai. Ben, j'imagine, je le connais pas personnellement. Non, on l'a eu en entrevue l'année dernière. Oh oui. Oui, puis, oui. Il était fin. Tout à fait, tout à fait. Merci. Ceux qu'on aime, qu'on a reçu en entrevue puis qui ont été moins sympathiques, ça veut pas dire que j'y joue encore, ça. C'est vrai quand même. Je pourrais pas t'en nommer. Ouais, je pourrais t'en nommer. OK, ben ouais, en effet. Mais bon, on va passer outre. À la place, on va dépenser de l'argent. François, toi, je pense que tu vas pouvoir peut-être jouer avec des jouets pendant okay. les 5 prochaines semaines. Ouais. On n'a pas encore dit pourquoi, mais on va le dire d'ici la fin de l'émission. On va le dire tantôt. C'est ça. Et tu vas pouvoir peut-être t'acheter ces jouets-là pour jouer avec tes enfants. Hein? Voici. Ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique où on se crée des besoins, littéralement. Là, on cherche des solutions à nos problèmes de la vie courante. Commençons, François, avec le fait que tu es un grand amateur de Lego, comme bien des gens. Ouais. C'est à part piler dessus, t'aimes ça? Ça, c'est des plaisirs. Et pire affaire ever. T'aimerais pouvoir dormir sur un Lego? J'aimerais pouvoir dormir tout court. Bon. Ben, sur effet, un Lego, ça pourrait bien dormir. Tu sais, t'as quatre petites pattes, tu mets ta tête entre les pattes du Lego. Donc, c'est un gigantesque Lego fait de tissu. En fait, c'est très, très joli. C'est par la même compagnie qui faisait la Lego Purse, la sacoche en Lego. C'est une échelle, c'est à l'échelle, donc 1 pour 20, ça veut dire 20 fois plus grande qu'un bloc de Lego standard à 4 pinouches. L'oreiller mesure 12,5 pouces par 12,5 par 10. C'est fait de tissu de table de billard recyclé. OK. Ça, c'est confortable, du tissu de table de billard. T'as peut-être pas dormi dessus, mais tu l'as touché. Ouais, j'ai jamais dormi dessus. C'est un peu comme du feutre, je dirais. Ouais. Ouais. La comparaison est bonne. Comme quand on était à la garderie ou au primaire. À l'intérieur, c'est de la mousse de polyuréthane. Vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequis.com. On montre le coussin à côté d'un vrai bloc de 4 de Lego. Et ça coûte 89$, mais c'est beau. Okay. Imagine comment ça fait parler. Tu sais, il y a un journaliste au son de campus, Nicolas Poulain, ouais. Qui a un skin Lego pour son iPhone. Et il peut mettre des petits morceaux de caoutchouc de pièces de Lego sur son iPhone. Tout le monde en parle, tout le monde regarde ça. Il fait comme « Wow, j'en veux un, moi-même, j'en veux un ». Imagine si en plus, c'est cool. Un coussin à la maison de bloc Lego. C'est le fun. C'est pas pire. Juste pour faire jaser. Ensuite, prochain problème de la vie. Tiens, t'es en train de casser tes tasses par terre. Ouais. Ça devient plate, ça. Clac, clac, clac. Donc, à la place, pourquoi ne pas tâcher une tasse qui a déjà l'air brisée et qui a déjà l'air d'avoir été collée avec de la colle? Tu sais, ça s'appelle la Crack Top Mug. Donc, elle a l'air d'être vraiment cassée, d'avoir été rafistolée. Et combien ça vaut, ça? Bonne question. Combien ça vaut la Crack Top Mog? On peut la retrouver sur le site thinggeek.com, évidemment, la source de tous nos besoins. 17$ en stock présentement. On dirait que Hulk est passé dessus. C'est joli. Crack Top Mog, ça me fait rire. Le hockey de retour, François, tu savais ça? Oui, ça commence samedi, si je ne me trompe pas. Puis évidemment, j'allais le dire. Hein? Me semblait aussi. C'est ça. Moi, j'aimerais bien pouvoir jouer au hockey. Par contre, j'aime pas ça, puis ça me tente pas. T'sais, donc vraiment, les deux raisons de jouer sont pas mal pas là. Mais si je pouvais jouer avec une rondelle en forme de carapace de tortue de Mario, ça me tenterait peut-être plus. T'sais? OK. Donc, c'est Super Mario Brothers Koopa Troopa Shell Air Hockey Puck. Hein? Donc, tu vires la carapace à l'envers, t'insères quelques batteries, tu mets ça sur n'importe quelle surface lisse et il y a son propre coussin d'air en dessous. Donc, tu vas pouvoir jouer pendant 2 minutes à chaque fois que tu vas appuyer sur la coquille. Donc, tu appuies sur la coquille, l'air sort d'en dessous, ça se lève dans les airs un peu comme un hydroplane, hydroglisseur. Hein? Ouais. Bon. Hydroplaneur, non? Hydroplaneur. Ouais. Tout à fait. Ça vient avec un petit truc de plastique rouge que tu peux utiliser un peu comme au... pas au curling, mais c'est quoi le sport que tu frappes contre la rondelle puis qu'elle s'en va de l'autre bord, tu sais, sur table, tu sais. Hey, je sais pas mes termes de sport aujourd'hui. Hockey sur air. Hockey sur air, genre, ça se peut-tu? Ouais. Mais ça ressemble à ça, bref, c'est un peu le même principe. C'est très, très joli, très, très cool. J'adore ça, j'en veux un. Et sur le site strapia-world.com, ça coûte 12,80$. C'est un site très, très asiatique, donc... bonne chance pour vous. Parce qu'il y a l'air d'avoir du texte en anglais un petit peu, donc je pense que vous pouvez vous l'acheter. Mais le shipping doit pas être évident. Mais c'est cool! Ouais, tout à fait. Ça aussi, pour les enfants, vraiment jouer au hockey avec Mario, c'est le fun. Ensuite, ton chien. Si t'avais un chien, t'as pas de chien. Hein? Non, pas de chien. Pas de chien. Mais ton chien, j'imagine, comme toi et comme tout le monde, aimerait ça pouvoir se faire gâter dans la bouche avec un petit peu de bière. De la bière de pour la bière. Chien. Pour les chiens alcooliques, mais en fait, il n'y a pas d'alcool dedans. Chiens alcooliques. Il n'y a pas d'alcool, ça vient un petit peu défaire l'idée derrière tout ça. Je sais pas, mais bon. Le chien a besoin de boire quelque chose de spécial une fois de temps en temps pour se sentir lui-même comme... Spécial. Spécial, pas un esclave. Non, en non. fait, c'est plus toi l'esclave de ton chien, c'est un chien, mais ça, c'est un autre sujet. Dog Grog, donc c'est le nom de la bière, c'est fabriqué par Daniel Keaton de l'Oregon aux États-Unis. Encore une fois, contient pas d'alcool, mais on appelle ça bière, juste pour que ça a l'air spécial. Et sûrement que ça a un goût particulier. C'est un mélange de broth, de bouillon, de légumes, voilà, et de grains. De, comme de l'orge, sûrement des trucs comme dans la bière. J'imagine que les ingrédients communs doivent être quand même nombreux pour pouvoir appeler ça de la bière. J'imagine. Donc, allez trouver ça. C'est sur Internet. Le lien est sur assemblagerequis.com. C'est via le blog foodbeast.com. Et puis, est-ce que lui mène vers le... Parce que tu sais, chaque blog dit, bon, ben via foodbeast.com. Tu vas sur l'article de foodbeast.com. Il s'en va sur ktvz.com. Et là, ktvz.com, à un moment donné, va avoir le lien. Fait qu'on oublie ça. Ensuite, on parlait de skin ou de case pour ton iPhone tantôt. Ouais. Ce qui est dommage, et t'avais un Android pendant quoi? 8 jours? Genre, à peu près, ouais. À peu près. T'as pu te rendre compte que t'avais quelques avantages quand même à avoir un Android. Ouais, tout à fait. Par exemple, les petites lumières qui flashent. Il y en a qui trouvent ça avantageux. Moi, j'aime pas ça, les petites lumières qui flashent. C'est pour ça que mon Mac a aucune lumière, puis je suis bien content. Sur un PC, ça va te biper parce que t'as un disque dur qui bouge. Ouais. T'as whoop, ta RAM est utilisée. Whoop, c'était un avantage quand même pour certains d'avoir des lumières sur Android pour vous dire, bon, quand t'as un message Facebook, un tweet, un courriel, n'importe quoi. Ce case-là pour iPhone 5 fait la même chose. OK. C'est quand même vraiment bien. Donc, LED multicolore, donc plusieurs couleurs. Ça fonctionne avec Twitter, Facebook, les messages textes, les appels, les courriels, etc. Ça synchronise avec le téléphone via Bluetooth. Et c'est aussi un battery case. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand tu mets ton téléphone dans le case, ça va aussi rajouter de la batterie à ton téléphone. Ça va aussi agrandir la grosseur de ton téléphone dans ta poche. Mais ça, ouais, ça, c'est sûr. Il y a des pour et des contre. Hein? Mais comme le case aussi qui sert de batterie, ça, ouais, c'est quand même cool. Le Mophie Juice Pack. Ça, c'est un très bon produit, très conseillé, ça, pour vrai. C'est cool. Mais ça rajoute du poids et de la taille. Celui-là, on rajoute surtout vers le bas, en dessous de ton bouton d'accueil sur ton iPhone. Pas encore de prix ou de disponibilité. Par contre, ça va être disponible bientôt. Et c'est ça, les lumières. Donc, le skin va rajouter du courant à ton iPhone pour faire fonctionner les lumières LED, mais aussi pour rajouter de la batterie à ton téléphone. Donc, c'est un peu comme un Mophie dont tu parlais, mais bonus track. Ok. C'est quand même le fun. Et les lumières sont vraiment à l'arrière. Ils peuvent être. Je pense que ça peut comme faire des dessins parce que lui, on voit comme une genre de un genre de haut avec une patch. Je sais pas si c'est un cul à l'envers. Mais bref, il y a comme plein de lumières qui apparaissent à l'arrière de ton iPhone. C'est pas une vidéo que c'est juste des photos. Allez voir sur assemblagerequipe.com. C'est intéressant. C'est enfin arrivé, François, on se demandait tous, mais comment je vais réussir à mettre toute ma collection de porn sur ma clé USB? Je m'achète un disque dur externe. Ah ben voilà, mais ça c'est gros, ça prend de la place, tu vas te faire voir. Il faut une clé USB d'un téraoctet, François. Et de Kingston, pas de n'importe quelle compagnie. Et ça vaut combien, ça? Ça vaut au-dessus de 3 000 $. 3 000 $. 3 000 $, voilà. Par contre, écoute, elle attend un an, peut-être. Quand on va réécouter cette chronique-là dans plus, mettons, un an et plus, là, on ça va être, ça va être quoi? 50 piastres, c'est ça? Près. Dans un gros modèle quand même, ça va être sûrement le max que tu peux avoir. Mais aujourd'hui, le plus gros modèle n'est pas bien élevé. 64 gig, 128 gig, dans le grand public, le abordable, c'est cher encore les 64 et 128 gig. 128 gig, c'est combien à peu près? Je sais pas. Est-ce qu'on va voir, juste pour le fun? On peut aller voir, hein? Attends un peu. Où est-ce qu'ils vendent ça? Moi, j'ai jamais vu ça, 128 gig. 128, c'est quand même pas mal. USB. On va aller voir ça sur Futureshop. M'intéresse. Bonne question. Tu peux charger la page. Quand ça te tente. Quand ça te tente, mon ami. Pendant que ça charge. Donc, les détails sur la clé de Kingston. Elle s'appelle la Hyper Predator. Un téroctet. Predator, François. Un prédateur. C'est aussi mon surnom. Eh, mais un. Hein? Ouais? Ouais? Predator, pas prédateur. Donc, Data Traveler, HyperX Predator, 512 GB pour 1750 $ ou 1 Teraoctet pour environ 3 000 $. C'est le résumé de la chose. C'est USB 3.0, donc c'est fait pour aller vraiment vite, 240 mégasecondes. Et ça écrit à 160 mégasecondes. C'est pas mal imbattable, je dirais. Perds-la pas, hein? En effet, en effet. Colin, ça c'est des disques durs portables. Ok, clé USB, 64 gigs, ok, 30 $, c'est pas si pire. Mais on, oh, c'est mal fait, laissez donc faire. Moi, d'habitude, je voyais ça dans le coin des 100 $ et plus les 128 gigs. Okay. C'est vraiment pas bon. Ça peut-être changer, tu sais, les choses avancent vite et les clés USB, je m'en achète pas tous les jours. Happy Fork, c'est le produit du CES, le produit qui s'est démarqué le plus du CES, le Consumer Electronics Show à Las Vegas qui avait lieu la semaine passée. C'est bien ça? Ouais, exactement. Et le produit dont tous les médias ont parlé. Tu sais, on n'a pas vraiment parlé du CES à Assemblage Requis parce que cette année, c'est rendu très, très mainstream, le CES. Tout le monde en parle. Tu vas entendre parler au bulletin de nouvelles de fin de soirée, tellement c'est populaire. Et il n'y a pas grand-chose de nouveau, tu sais, de vraiment intéressant. Et il n'y a pas grand-chose non plus de. C'est que tu sais jamais si le produit va sortir. À chaque CES, tu vois des produits, ça a l'air cool, ça sort jamais. Ça sert à quoi? On jongle un petit peu avec du n'importe quoi. Le produit qui a le plus fait parler de lui, c'est l'Happy Fork. Une fourchette? C'est une fourchette vibrante, François, à 100 $. Vibrante? Vibrante. En fait, c'est fait pour t'avertir. Il y a un sensor dans la fourchette, okay, qui détecte la vitesse à laquelle tu manges. Okay? Et combien de fois tu l'utilises pour mettre de la nourriture dans ta gorge. Donc, quand la fourchette détecte que tu manges trop rapidement ou que tu manges trop, elle va vibrer pour te rappeler de ralentir. C'est un peu comme ta blonde. Ou ta mère. Qu'elle vibre. Hey, tu manges. Non, qu'elle vibre. François, tu manges trop vite. Mange plus lentement. T'aimes ça, manger vite. Moi, j'ai de la misère. Sous-entendu là-dedans, c'était incroyable. Vas-y. Non, mais j'ai de la misère à m'acheter un gadget qui va me dire quoi faire. Tu sais, t'es pas ma mère. Ben. Je sais pas. Ouais, moi-même, je suis pas certain. Non, écoute, t'en as plein de fourchettes, là. Tu sais. C'est pas. Puis, Colin, ralentis. Fais comme moi, puis regarde une émission d'une heure pendant que tu soupes, tu vas manger tellement lentement que tu vas avoir le temps de digérer pendant que tu manges. Ça va être froid. Ça va être froid. Ah, tabarnouche. Donc, la P-Fork avec un petit sensor intérieur, 100 $, ça va se brancher. Ben, en fait, ça va se connecter sans fil avec ton téléphone ou ton ordinateur pour évaluer tes habitudes d'alimentation. Et puis, tu vas pouvoir arrêter de manger comme un glouton et perdre du poids. Les seuls gens pour qui ça pourrait être utile, j'avais entendu parler d'une personne qui avait un problème, qui avait eu, je sais pas, c'était une attaque cardiaque, je sais pas trop quoi. Et là, ou une affaire de problème de poumon ou de foie. Et devait vraiment manger beaucoup plus lentement. S'il mangeait trop vite, il s'étouffait et il risquait de mourir. Ça pourrait être un bon achat. Mais c'est vraiment la seule catégorie de public. Là. C'est la Happy Fork. Si vous la cherchez, c'est H-A-P-I. F-O-R-K. H-A-P-I, et non pas Happy comme heureux. Happy, ça, c'est aptronique. Je sais pas pourquoi c'est une définition, ce mot-là. Mais j'ai pas trop cherché. Ça va disponible en mars 2013. C'est sur Kickstarter en ce moment. Good. Jouer à des jeux vidéo, c'est bien amusant, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui veut s'acheter une console de jeux vidéo. Ça, c'est vrai. C'est vrai. T'aimes ça peut-être jouer à des jeux sur Android, peut-être, les jeux sur le App Market de Google. Donc, non. Non, moi non plus. Mais même sur mon téléphone, je suis pas porté à jouer. Rarement, j'en achète, j'en ça prends. Vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Tu caches l'écran avec tes pouces. T'sais, moi, le genre de jeu que j'aime, c'est gauche-droite au bas et AB. T'sais, genre des flèches puis un bouton. Pis là, tes deux gros pouces cachent l'écran. Tu vois pas où tu t'en vas. Là, l'affaire de tasser ton téléphone avec le sensor de position, c'est non, je trippe pas. J'aime beaucoup mieux jouer. Tant qu'à jouer sur une console portable, ça va être mon 3DS. Une console de salon. Vita, la Vita aussi. Ça. Sinon, c'est PS3, Wii U. Je pense que je suis gagné avec ça, l'iPhone. Pas tant. Non. C'est pas l'utilité. C'est pas l'utilité du tout. Donc, mais ceux qui veulent jouer sur leur télé avec un appareil Android, c'est le Game Stick qui vient d'arriver. En fait, on dit que dans toutes les télévisions du monde, c'est un des milliards de télévisions, hein, 1% environ sont utilisés pour jouer à des jeux vidéo. Donc, c'est un gaspillage, selon la compagnie, un gaspillage de télé. Donc, ils ont créé la console de jeux vidéo ultra portable Game Stick, qui est une console au complet, mais dans un petit bâton. Et c'est tellement petit, ce petit bâton-là, qu'on peut l'intégrer dans la télécommande avec laquelle ça vient. Donc, c'est une manette de jeu et la console et la clé USB. Okay. Tu vas dans la manette, tu mets la clé USB dans ta télé et ça joue à des jeux vidéo. Quand même. Graphiquement, tu sais pas. $79, c'est pas cher, c'est sur Kickstarter. Savoir comment ça vaut dans la fabrication. Donc, ils voulaient $100,000, ils se sont rendus après chez 400 000. Il leur reste encore 2 semaines, donc je crois vraiment que le produit va fonctionner. Vous pouvez envoyer $1 de minimum. Et tu m'avais demandé souvent si l'argent était remboursé. Non, c'est pas remboursé. Non? Si jamais le produit fonctionne pas, tu as perdu ton argent, mais tu n'es pas obligé de mettre beaucoup d'argent non plus. Et mais l'argent va à qui? Je crois qu'il y a sûrement un pourcentage qui doit aller à Kickstarter, mais le reste va au créateur pour pouvoir commencer à faire le financement de la création en masse. OK, mais tu peux prendre cet argent-là puis aller virer une brosse avec tes chums. C'est ça. OK. C'est à peu près ça. Ah. Parce qu'il y a beaucoup de produits qui ont atteint leur but, mais qui n'ont jamais été produits. Sorti, ouais. Ça arrive vraiment souvent. Mais c'est bizarre, tu sais, justement. Ben, c'est l'enjeu d'investir. C'est un peu comme la gueule du dragon, la bouche dans l'œil du dragon. Ouais, c'est ça, dans l'œil du dragon. C'est un peu le même principe. T'as investi dans un produit, ça veut pas dire que ça va être fait, t'sais. Mais j'imagine que les dragons eux-mêmes doivent s'assurer que s'ils ont investi des millions de dollars. Ouais, ils doivent signer des contrats assez béton. Ouais. Mais tu sais, quand tu proposes 1$ sur Kickstarter, est-ce que tu peux vraiment leur en vouloir? Non, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'il y a des produits comme. Si on regarde juste comme exemple ce produit-là, tu peux aller dans les 25$, 69, 79, 89, 115, 135. Tu montes vraiment haut et le plus élevé. Et qu'est-ce que ça donne? C'est 5 000$. Tu vas souper avec Jasper Smith, le créateur du Game Stick, dans un restaurant de ton choix en Europe. Et tu vas avoir un bâtonnet couleur or. Du Gold Stick, là? OK. Rapidement, ensuite, si tu veux marcher pieds nus, des fois, c'est plate marcher pieds nus parce que tu peux te rentrer quelque chose dans le pied. Ici, c'est des pantoufles en côte de maille. Oh! C'est quand même joli, mais je suis sûr que la vitre passe au travers de ça, là. Donc, allez voir ça. Si ça vous intéresse, sur assemblagerequis.com, ça coûte $235 environ. C'est des souliers, donc, en côte de maille. On passe rapidement. En bref, un nœud papillon, mais en bois. En bois? En bois. Donc, avec un petit morceau joli. Dessus au milieu. C'est très joli. Ouais. Ben oui, pour vrai, il y a plusieurs couleurs disponibles. Ouais. Entre $55 et $65 chaque. Une tasse à café en biscuit. Donc, tu verses ton café, il y a une couverture de sucre sur la tasse. OK. Pour empêcher de fondre. Et puis, quand tu as terminé de boire ton café... Tu manges ta tasse. Tu manges ta tasse. J'adore. Calculatrice à faire soi-même, c'est une calculatrice sur laquelle tu peux dessiner les chiffres. Ça vient avec un stencil pour savoir où mettre les nombres, les chiffres, évidemment. Très cool. Très cool, tu peux faire n'importe quel dessin. Et puis, ça coûte $13. Ensuite, un case pour iPhone avec une oreille dessus. Donc, quand tu mets ton iPhone, tu as l'air d'avoir une oreille avec des piercings. Mettons, on s'en fout, c'est pas important. Une robe de chambre de Wookiee, donc de poils, avec une ceinture qui ressemble, dans le fond, au look de Chewbacca dans Star Wars. Ouais, exact. Et on va terminer avec le dernier. C'est une lampe de poche Panasonic qui fonctionne avec n'importe quelle sorte de batterie, que ce soit des AA, des 3A, des D et des C. Et tu peux utiliser le nombre de batteries que tu veux. Donc, par exemple, juste une pile 2A, mais ça va fonctionner moins longtemps. Moins longtemps, ouais. Mais ça s'ajuste aux batteries que tu utilises. C'est malade. $24 américains. Tu sais, quand t'as une patte de courant, à un moment donné, tu cherches des batteries, il reste juste un petit peu de courant. Ben, mélange les batteries de différentes sortes. Tu vas quand même avoir du courant. C'est génial. C'est Panasonic. Les liens sur assemblagerequis.com, c'était la chronique sexe, mais ça devrait répondre là! Yeah! Yay! Au retour, la chronique de Maxime Bilodeau, de foulée à l'autre. Mais pour l'instant, on écoute la pièce RIP de Ringo Dead Star. Restez là! Woohoo! I'm Au retour, on parle d'habitude et d'espérance de vie dans la chronique de Maxime Bilodeau, d'une foulée à l'autre. À Assemblage requis, restez là. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. Les 7h34 à Assemblage requis. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, là, on accueille notre bon ami Maxime Bilolo. Présent! Wow. Hey. Bonjour, messieurs! Ça va? Oh, super bien à vous deux! T'es ben trop matinal pour nous autres, hein? Oh, mais quand on dit, moi, j'ai rien qu'à faire ça une fois par semaine. Puis une demi-heure après nous autres. Puis une demi-heure après nous autres, bien sûr. Mais bon, voici d'une foulée à l'autre. Et aujourd'hui, d'une foulée à l'autre, va être un petit peu complexe à comprendre selon le texte que j'ai vu. Oui, effectivement, on va faire un peu de mathématiques sans rien de bien compliqué. J'ai simplifié ça. Je m'en aller tout de suite. Ah, ben c'est bon, on va prendre un café. Moi, je reste avec François ici, là. Donc, c'est ça, ça va être un peu de mathématiques 101. Ça va être. C'est pas si compliqué que ça, en fait. Non, mais t'es bon pour vulgariser, on l'a dit. Là. Oh, on essaye, ouais. Je suis là pour ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler, oui, d'espérance de vie. Je vais vous parler d'un concept inventé par un mathématicien anglais. Ce mathématicien-là, je lui donne tout de suite tout le crédit parce que en fait, je dis exactement ce qu'il dit lui-même et rephraser un peu à ma manière. Donc, il s'appelle David Spiegelhalter. Il vient de l'université de Cambridge en Angleterre, bien sûr. Et c'est Monsieur Professeur Risk. En fait, c'est un statisticien médical qui, à partir de données, justement, données statistiques, fait un peu d'épidémiologie. Et puis, à partir de ça, il a bâti un concept qui s'appelle le concept des micro-vies. Qu'est-ce que micro-vie? Micro-vie. Nous, c'est la vie devant un micro. C'est la vie des microbes. On reconnaît ici l'homme de radio. Là. Il y a radio en lui. Donc, c'est. Dans ça a la louche comme... humaine. Une radio en lui. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il dort pas, il fait juste faire la radio. Ouais, si on veut. Si on veut, ouais. Donc, dans le fond, c'est comment traduire ses bonnes et mauvaises habitudes de vie en temps d'espérance de vie. Donc, je vais un peu vous parler de ça. Ça, y a-t-il un programme qui existe pour ça? En fait, c'est juste une abstraction mathématique. Okay. Vous allez vite comprendre où je veux en venir. Donc, la problématique, c'est comment qu'on fait pour additionner les risques entre eux, qu'ils soient chroniques ou aigus. Comment qu'on fait pour les additionner entre eux? C'est impossible. C'est des maladies, les risques. Je donne un exemple tout simple. Mettons, je vais commencer avec le risque aigu, qui est une autre unité que je vais vous présenter. C'est comment qu'on fait, dans le fond, pour les accumuler ensemble. C'est à savoir, chaque journée, on a un certain pourcentage. C'est très, très morbide de dire ça, mais on a un certain pourcentage de chances de mourir. Okay. C'est compte même. Donc, au lieu de compter, mettons, tes calories, tu vas compter, bon, ben, je vais faire un saut en parachute, là, j'ai peut-être un risque de plus selon, ou de selon l'activité que tu fais par jour, on peut, en bout de ligne, dire que t'as eu X% de chances de mourir dans ta journée, mais tu n'es pas nécessairement tombé sur X% de chances. Mais, et voilà. Mais c'est des chances qui sont très petites. C'est très infime. En fait, l'unité pour le risque aigu, qui est le risque non à long terme, mais le risque tous les jours, quand on se lève, on l'appelle ça une micro-mort. Une micro-mort, qu'est-ce que c'est? C'est une chance sur 1 million de mourir. Wow. Une chance sur 1 million de mourir, c'est l'équivalent d'obtenir pile ou face 20 fois de suite. Donc, c'est très, très C'est très, très minime comme chance, mais reste que par jour, il y a un certain nombre de décès accidentels au pays, au Canada. On est, je vais prendre au Québec, c'est plus simple, on est 8 millions au Québec, donc, grosso modo, il y a un certain nombre de personnes par jour, ça tourne autour peut-être de 8 à 15 personnes qui meurent tous les jours. À chaque jour. À chaque jour, parce qu'on pourrait dire qu'eux sont tombés sur le 1 sur un million. Wow. Mais eux, leurs chances de micro-morts sont tombées sur cette statistique-là. Ouais, mais souvent, en fait, c'est des personnes qui sont plus âgées. Oui, effectivement. Il y a certaines couches de la population. Donc, ça va être des personnes qui habitent dans des grandes métropoles, des personnes qui font tel type de travail. Donc, où que je veux en venir, dans le fond, c'est que si je voulais donner, mettons, l'unité de base de la micro-mort, c'est rester assis chez soi, dans son lit, à rien faire la journée, t'as une chance sur un million de mourir. Okay. Tu peux avoir une crise de cœur, tu peux avoir n'importe quoi, mais les chances sont très minces. Ouais. Par contre, on peut additionner les micro-morts. Donc là, on pourrait dire que c'est sûr que c'est variable selon l'activité. Tu sors de ton lit, tu prends ton véhicule. Bon, ouais, voilà. Juste ce matin, on s'est levé tous. On s'est revenu ici. Moi, je suis venu à la marche. Vous êtes peut-être venu en voiture. Ça fait peut-être 3 heures que vous êtes levé. Vous avez peut-être fait une activité avant de venir ici. Donc, vous avez tous un certain nombre. Vous avez tous été confrontés à un certain nombre, un pourcentage de risque de mourir. Sauf que vous n'êtes pas mort. Pas encore. Il y a tout le temps un jeu de le reste de la journée. Effectivement. Dépendamment de ce que vous allez faire dans votre journée, vous allez avoir une certaine probabilité. Là, j'ai plus le goût de rien faire. C'est ça. Quand on est un peu hypochondriaque. J'ai jamais envie de rien faire. Donc, c'est variable selon l'activité. Donc, le moyen de transport, je donne un exemple. Si on fait 1 km à la marche, 1 km en vélo, 1 km en auto ou 1 km en moto, ce n'est pas tous les mêmes risques de mourir. Non, c'est sûr. Effectivement, dépendamment du milieu également où qu'on marche, où on fait cette distance-là. Également, à l'hôpital, un accouchement versus une opération, versus une nuit à l'hôpital, il y a tous un certain nombre, un pourcentage de risques de mourir. Ça serait de regarder les données épidémiologiques, puis on pourrait dire que l'accouchement vaut, mettons, 30 micromorts, donc 30 chances sur 1 million de mourir, versus opération, dépendamment de l'opération, anesthésie ou pas, certains pourcentages. Une nuit à l'hôpital, mais ça peut être un certain pourcentage. Il va falloir qu'il passe une loi pour qu'il y ait des étiquettes à côté de chaque activité. 30 micromorts. Cette activité. Effectivement, en fait, Mathieu, t'as vite qu'on saisit le concept, c'est que ça permet de mesurer et de comparer les risques entre eux. Ouais. Et voilà. Donc, en termes de sport, ça pourrait être, mettons, la course à pied. Ouais. Faire un marathon, c'est, je pense, 7 micromorts. Donc, 7 chances sur 1 million de mourir. D'une crise cardiaque ou de n'importe quel autre événement. Okay. En fait, faire un marathon, t'as moins de chances de mourir que, admettons, faire un marathon dans un contexte de compétition, t'as moins de chances de mourir que de faire un marathon non dans un contexte de compétition. Ou t'as moins de chances de mourir que juste prendre ta voiture puis faire 42 km. Donc, ça permet de comparer et de relativiser les risques entre eux. Mais c'est pas lugubre un peu? C'est un peu lugubre. Effectivement, quand je l'appelais professeur risque, là, c'est que, en fait, je me suis basé sur une présentation qu'il a faite dans le cadre d'une conférence TED. Okay. Si vous connaissez. C'est génial, TED. TED, oui, effectivement, c'est Technology Entertainment Design. C'est des précurseurs qui sont invités puis qui jasent de ce qu'ils font. Des visionnaires. Des visionnaires, et voilà. Donc, moi, je l'ai vu là. C'est une présentation que je vous conseille vraiment de voir si vous voulez avoir le grand concept tout bien mâché. Puis, effectivement, c'est très lugubre. Sauf que c'est un gars qui, lui, sa lubie, c'était de calculer justement dans sa journée combien j'ai de chances de mourir. Dépendamment des choix que je fais. Là-dessus, là, c'est vraiment une lubie, c'est ça. Ça l'habite, puis lui, il a bâti le concept à partir de ça. Puis là, les Anglais vont. Tu sais, c'est raciste, là, parce que là, c'est basé sur le système métrique. Là. C'est par 10 des millions, ça devrait être basé sur le système anglais des 12. Non, c'est pas vrai. Les Anglais vont dire, divise-moi ça par 2. Juste pour penser à ça, mon Mathieu. Oui. Donc, dépendamment de l'activité, je disais course à pied, la plongée. On voulait plonger en apnée versus plonger à l'air avec une bonbonne. Et vraiment, toutes les activités sont chiffrables. Okay. Même le travail, tu peux chiffrer quel tel travail a plus de chances de micro-mort, a plus d'unités de micro-mort que tel autre travail. Puis littéralement, micro-mort, nos micros sont en train de tomber. Des fois, ils pourraient nous tomber sur la tête puis causer une commotion cérébrale. On pourrait jeter le sang partout dans la tête. Effectivement. Je pourrais m'étouffer avec ma langue en vous parlant tellement que je parle vite. Donc, ça pourrait. Ça, pas ça. Ah, ça serait pas drôle. Le type de drogue qu'on prend également, on pourrait s'y chiffrer en micro-mort. Le cannabis versus l'héroïne. Du crack, mais voilà, tu pourrais mettre le pourcentage des micromorts. Dépendant si tu la fumes ou si tu te l'injectes, c'est vraiment ça. Je vous dis, c'est infini comme concept, juste pour les micromorts. Selon les pays également, selon même les périodes historiques, on pourrait dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, être à certaines places dans le monde, tu avais plus de micromorts pour faire la même activité qu'être à une autre place. Donc, c'est infiniment variable comme concept. Mais ça, tu calcules pas tes antécédents. Ta famille, les maladies de la famille. Ouais, c'est congénital. Exactement où j'arrive. En fait, c'est que l'avantage, ça permet de saisir le risque, mais le risque aigu. Le risque aigu, c'est pas le risque chronique. Le risque chronique, c'est à long terme, c'est les habitudes de vie, c'est les antécédents familiaux. Ok, ok, ok, t'es vraiment dans la journée, là. Ouais, et voilà, là, okay, je suis dans le risque aigu tous les jours. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, ouais. Risque aigu dit risque aigu! Et voilà, la micro-mort, c'est vraiment en fait pour tous les jours, sauf qu'on peut pas appliquer ça aux habitudes de vie. Et là intervient le concept, justement, de micro-vie, que je vous parlais au tout début, c'est là que je vais en venir. Moi, ça m'intéresse un peu plus parce que, bon, habitudes de vie, sport, etc., c'est plus mon domaine à moi. Donc, la micro-vie est un peu plus appropriée à ça. OK. Donc, qu'est-ce que la micro-vie, dans le fond? C'est tout simplement l'unité de risque pour le risque chronique. Pour rester en santé? Pour je le dis tout simplement, c'est plus ou moins 30 minutes d'espérance de vie par journée, par habitude, qui est égal à plus ou moins une année de vie, d'espérance de vie de plus, à grosso modo quand on est dans la trentaine. Donc, pour nous, ça va être un petit peu plus qu'une année. Là, je sais que c'est très, très abstrait pour l'instant, j'ai un peu l'expliquer. C'est dans le fond, à l'aide de données épidémiologiques et d'un peu de mathématiques, de statistiques, il est juste possible de classer les bonnes et mauvaises habitudes en leur donnant une valeur de micro-vie. Parce que, veut pas, quand on dit, mettons, le fait d'arrêter de fumer, augmenterait l'espérance de vie de 20% ou le monde vivrait en moyenne 20% de plus. Comment, en bout de ligne, en temps concret, parce que 20% c'est très abstrait, mais en temps concret, qu'est-ce que ça l'emmène de plus? Donc, ce que fait ce mathématicien-là, c'est qu'il a tout pris les habitudes de vie, il a tout pris ce qu'il y avait des données dessus et qu'il a tout ramené à une unité vraiment... La même unité. Ouais, voilà, la même unité. Donc, une unité pour vous permettre de calculer le risque chronique. Donc, en calculant tout ça, c'est possible d'additionner ses bonnes habitudes de vie et de gagner des micro-vies ou perdre des micro-vies. C'est comme un jeu vidéo. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc, je vous donne un exemple, vous allez vite comprendre. Mettons, le premier 20 minutes d'activité physique qu'on fait par jour, ça équivaut à 2 micro-vies. Okay. Donc, zéro. Vous faites 20 minutes d'activité physique, ouais. Vous gagnez une heure en espérance de vie. C'est simple de même. Simple. Ouais. Donc, chaque minute... Au bout de ta vie, là. Au bout de ta vie, c'est pas dans la journée. Tu sais, dans la journée, on a 48 tranches de micro-vie, si on veut. Donc, 48 fois 30 minutes, ça donne 24 heures. OK. Donc, on les investit d'une certaine manière. Sauf que, virtuellement, on pourrait dire que, dépendamment des habitudes de vie qu'on fait, ben, nos journées durent un peu plus longtemps. Okay. Ou moins longtemps, dépendamment de ce qu'on fait. Donc, je te conseille avec ma petite énumération. Je vous disais, pour le premier 20 minutes, c'est 2 micro-vies additionnelles. Par contre, pour chaque 40 minutes supplémentaires, eh bien, c'est seulement une micro-vie. Donc, tu fais 40 minutes d'activité physique, tu as 30 minutes d'espérance de vie additionnelle. Donc okay. Là, avec l'activité physique, c'est un peu spécial parce que justement, ça s'annule à un moment donné. Au bout de 3 heures d'activité physique, j'ai fait le petit calcul, au bout de 3 heures d'activité physique, ben, le temps que tu as investi à faire du sport, c'est le temps que tu as gagné en espérance de vie. Donc, c'est complètement... Fait que t'as pas de bénéfice. Fait que à un moment donné, il faut que t'aimes bien faire du sport parce que, dans le fond, t'as passé ton temps additionnel à faire du sport. Donc, je pensais que t'es en train de me dire que tant qu'à ça, je peux juste rien faire. Ça nous situe qu'il y a un minimum vital, sauf que trop en faire aussi, okay. Trop, c'est comme pas assez. Et voilà. Donc, ça, c'est basé sur des faits qui sont réels, qui sont supportés par la science et tout et tout. Mais ça nous permet un peu de chiffrer un peu la chose, de mettre une valeur là-dessus. Donc, à chaque 1,25 portion de fruits et légumes, une micro-vie de plus. OK. Un 30 minutes. Un 30 minutes de plus d'espérance de vie. Au premier 10 grammes d'alcool qu'on boit, parce que l'alcool... Moins 30 minutes. Non, ben, l'alcool, comme tel, c'est mauvais en très grande dose, sauf qu'une dose minimale, je donne le vin rouge, comme ça. Aide ton cœur. Ça peut aider le cœur, la santé cardiovasculaire. Là, encore là, c'est en théorie. Donc, ça nous donnerait une minute, une micro-vie de plus pour le premier 10 grammes d'alcool. OK, puis 10 grammes, ça peut chiffrer c'est quoi, une bière, peut-être? Je suis vraiment, mais vraiment pas alcool, donc je pourrais pas dire. Fais juste boire à tous les jours. Arrête pas. Je pense que c'est la moitié d'une portion, mais 10 grammes. De toute façon... 10 grammes, c'est pas 10 bières, là. Il y a personne qui prend sa... Il y a personne qui... Ben, effectivement, 10 grammes, c'est pas 10 bières, mais il y a personne qui a sa balance puis qui calcule l'alcool, là. C'est moi pas. Il est capable. À chaque statine qu'on mange, la statine, ça c'est pour le cholestérol, c'est un médicament qui est en fond de pilule qui est pour abaisser le cholestérol sanguin, on gagne une micro-vie. Donc ça, si t'en prends pas, c'est encore mieux. Retenez-la bien, la statine, je vais faire un parallèle avec ça. Là, je parle juste de micro-vie additionnelle, par contre, on peut perdre une micro-vie, bien sûr. Donc, à chaque 5 kg de surpoids, on perd une micro-vie. Donc, juste le fait d'être en surpoids, on perd une micro-vie en partant. À chaque jour? En bout de ligne, on perd une micro-vie. Okay. Chaque jour, il y a une micro-vie qui s'enlève. Il y a 30 minutes d'espérance de vie. Ça veut dire 30 minutes. OK. Donc, rester assis plus de 2 heures sans activité par jour, une micro-vie en moins. Puis à chaque 2 heures? Hein? À chaque 2 heures. Donc, sur le temps que t'es assis dans ta journée, si t'es assis 10 heures, ben t'as perdu 5 micro-vies. Fait qu'il me reste quoi, 5 ans? Hey, ouais, Matt, fumer. Écoute, fais ton testament. Fumer 2 cigarettes. Non, ça, je fume. Moins une micro-vie. Okay. Non, ça fume. Ouais. Vrai, ça? Ah, c'est vrai? Ouais. Tu voulais pas jouer des enfants? Ah, ben, Colin, faut que j'arrête. Ben, je vais m'en faire mon inquisiteur, moi, là. Une portion de viande rouge, moins une micro-vie. Ah, moins? Moins une micro-vie. Mais il y a du sang, ça t'aide. Viande rouge, c'est les viandes, c'est le bœuf et tout, ouais. C'est les viandes qui sont réputées comme un peu plus nocives, un peu plus cancérigènes et tout, c'est pas du poisson. C'est quoi les meilleures viandes? Viande, poisson? Moi, je dirais que c'est du poisson, ouais. les viandes maigres, en théorie, tout ce qui est volaille et tout, mais ça, ça déborde un peu la chose. Okay. Lui, la viande rouge, j'aimerais ça le mettre en parallèle avec les statines que j'ai mis tantôt. Ouais. Si on prend, ben, disons, imaginez, vous êtes au McDo, vous mangez votre burger, bon, ben là, vous venez de perdre une micro-vie à cause des viandes, sauf que s'il y a un pot de statine, ben, vous prenez une statine, vous venez d'annuler la chose. Mais, oui. Mais je comprends pas qu'une statine, en fait, peut t'ordonner une micro-vie dans le sens où si t'en prends pas, t'es comme plus en santé. Ben, si t'en as pas besoin, c'est bien sûr que t'es plus en santé. Tu gagnes. Ouais, voilà, sauf que en théorie, la statine, ce que ça fait, c'est que ça limite justement le taux de cholestérol sanguin. Le cholestérol sanguin, c'est tous les phénomènes d'athérosclérose, donc les faisceaux sanguins où il y a des plaques d'athérome, donc des plaques de gras qui se forment, qui bouchent la circulation sanguine. Donc ça limite tout ce phénomène-là. Okay, donc, okay. En théorie, c'est à ça que ça sert, les statines. C'est beaucoup controversé, statines, plus spécifiquement ce médicament-là, à cause justement que ça donnerait des douleurs musculaires. Il y aurait les gens qui prendraient des statines auraient plus de troubles musculaires, de faiblesses musculaires, donc okay. Ça serait la qualité de vie qui serait un peu compromise, mais là, encore là, ça déborde amplement de ce que je veux faire. C'est pas un joueur de hockey, c'est ça. Non, effectivement. chaque 10 grammes d'alcool supplémentaire du premier 10 grammes qu'on a pris, moins une demi-micro-vie. Okay. Donc, 0.5. Donc, à partir de 3 consommations, ben, on vient d'annuler l'alcool. Les rayons X. On fait un rayon X au niveau du torse. Ouais. On perd 2 micro-vies. On fait une tomodensitométrie qui est un scanner du corps au complet. On perd 180 micro-vies. La radiation, dans le fond. Ben ouais, ouais, c'est intense. Hein. C'est pour intense. C'est tout le corps au complet, faut pas en faire trop. Et pour les dents? Pour les dents, je pourrais pas dire. C'est ce que j'ai trouvé sur son blog, justement, fameux chercheur-là. Je pense qu'on se rend à il y en cible quelques-uns, c'est parmi celles que j'ai trouvées, mais on pourrait faire absolument pour tout. Le tout, ouais, c'est de ça. Vie, le sommeil, etc., etc. Donc là, ce que combiné, ça nous permet d'arriver à un total positif et négatif, dans le fond. Vous comprenez un peu le concept. Donc sur une journée, on a 48 tranches. Dépendamment des habitudes de vie, bon, on additionne tout ça. Donc, par exemple, je fais 20 minutes d'activité physique par jour. Je mange 5 fruits et légumes. Je consomme 40 grammes d'alcool. Après ça... Tous les jours. Tous les jours, mettons, c'est tous les jours, dans une journée comme telle. Je prends 2 portions de viande. Après ça, je reste 10 heures assis sans faire d'activité. Donc, ce qui est la norme chez bien des gens. Je suis 10 kg overweight, malheureusement. Uh-huh. Qu'est-ce que ça me fait en bout de ligne? Ben, j'ai perdu 2.5 micro-vies. Okay. Donc, tout ça a égalisé. Donc, t'as perdu une heure et quart de ta vie, de ton espérance de vie, et vient de baisser. Wow. Donc, en utilisant cette métaphore-là, on peut penser que chaque journée, ça s'additionne. Donc, en bout de ligne, ça nous permet de dire qu'une personne va être capable de vraiment vivre plus longtemps. Donc, là où c'est vraiment pratique, c'est cette unité-là, c'est très critiquable, puis je vais vous le dire le pourquoi du comment, mais où c'est pratique, c'est cette unité-là, c'est que si on chiffrait tout en micro-vie, on serait capable de tout comparer ensemble. On pourrait dire qu'on est meilleur que l'autre. Et voilà. Parce qu'en ce moment, ce qu'on fait juste dire, c'est manger telle chose est bon pour la santé et vous allez vivre plus longtemps. Ouais. Ça permet pas de chiffrer. C'est pas concret. Chez les gens, ben ils s'en foutent, là. C'est pas concret. Et voilà. Donc, en cette unité-là, nous permet de vraiment dire, ben, je sais pas moi, remplacer sa viande pour des noix. Ben, manger des noix. Fuck les noix. Les noix. Les noix. Mais est-ce que tu penses que Nike, mettons, va pouvoir sortir un Nike Fuel Band Plus Extra Power avec le calculateur? Ça pourrait être ça. En passant sur les noix, j'ai pas dit graines. J'ai fait attention en passant. Donc ça nous permet vraiment de chiffrer les choses et en bout de ligne d'arriver à voir comment nos habitudes de vie influencent en bout de ligne notre espérance de vie. Bien sûr, tout ça c'est basé sur un jeu statistique. Ton risque. Les statines, excuse-moi. Statines. Donc, ton risque, Mathieu, n'est pas le risque de François, n'est pas mon risque à moi. Mais le risque comme tel n'est pas calculable chez les gens ou est très difficile à calculer. Donc ça, ça permet un peu de globaliser la microvie. À te situer, à savoir si tu as des bonnes habitudes de vie ou pas. Et effectivement, la microvie, à une certaine limite, on pourrait, en fait, la microvie et la micromort, si on les met ensemble, c'est qu'on pourrait vraiment dire que, dépendant de ton taux de micromort par jour, ben ta microvie, tu peux perdre des microvies à quelque part. Donc, ça, c'est vraiment juste une abstraction mathématique qui est très, très difficile, un peu difficile à saisir, un peu difficile à mettre en place. Ça, ça permet un peu de combattre l'incertitude. Ça permet de chiffrer son risque, comme je vous ai dit. Ce qui fait que, ben, chez les gens, ben, ça me permet d'avoir une bonne idée de ce qu'ils font. C'est plus fiable que la deadclock.com, ça on le sait. Parce que moi, si j'essayais pendant que tu parles. 17 mars 83, mode normal, j'ai pas coché mode normal. Je suis, mettons, optimiste, je suis un grand optimiste. Hein? Mon BMI, moins de 25, je devrais peut-être le monter un petit peu. BMI, c'est quoi? C'est ton body mass index, l'indice de masse corporelle. Okay. Donc c'est ton kilogramme divisé par ta grandeur au carré. Je devrais mourir le 27 décembre 2056. 2056. Selon deadclock.com. Quand même. Ça te donne, ça donnerait 70 quelques années. Pas pire, pareil. Si on prend en compte que l'espérance de vie, grosso modo, est de 80 années, ouais. Puis qu'elle va, en théorie, continuer d'augmenter, en tout cas, c'est ce qu'elle fait depuis de nombreuses décennies, à cause de l'hygiène, à cause de la nourriture, à cause des soins, blablabla, ben, c'est quand même... C'est louable. C'est louable, voilà. Je vais faire plus confiance à ta chronique. C'était pas mal plus intéressant. Donc, on va faire de l'exercice. Tu fous. Ben, le message, le kinésiologue en moi se précipite sur l'occasion. Faites de l'activité physique, mangez bien, dormez bien. Non, mais c'est sûr. Vous allez avoir plus de microvie, vous allez vivre plus longtemps. C'est ça. Dans le fond, c'est là que ça vient. L'idée, c'est d'avoir une vie quand même balancée. Et voilà. Tu peux boire de l'alcool, c'est correct, mais en même temps, écoute, faut que tu te reprennes ailleurs. Et voilà. C'est comme tout. Morale de l'histoire. Merci, Maxime. Balancez-vous. C'est tout le temps moral de mes chroniques, ça. Faites du sport, m'entends. C'est ça, faites bouger. Les bonnes habitudes de vie. Et voilà. C'est pour ça qu'on adore ta chronique. Merci, Bilodo, tous les jeudis à 7h30. À la semaine prochaine, messieurs. D'une fouille à l'autre. .com. Et voilà. .com. Bonne journée à vous. Bonne journée. Nous, on va prendre une petite pause musicale. Retour, Jasmine Raymond-Inville. Ah! Là, la Jasmine Raymond-Réville qui va faire comme toujours sa chronique sur la GEQTR. On va parler un petit peu du spectacle de la rentrée qui avait lieu hier. Parti. Maxime Bilodeau a dansé toute la nuit. Oui, effectivement, vous me voyez pas. Là. Combien de micro-vies? J'ai au moins perdu 10 micro-vies, mais ça a valu la peine. Oh! Sleeping Mute de Grizzly Bear. dress code. C'était Grizzly Bear, la pièce Sleeping Ute à Assemblage Requis. C'est la fin de la première heure. Ouais! Wouhou! Il t'en reste rien que. Il y en a une de fait. Tout à l'heure, entre autres, à l'émission François Landry, sa chronique Logocratie 101, on va parler de l'année du serpent 2013, l'année du serpent, première partie. J'ai hâte de savoir ce que ça veut dire. On ne peut que faire des suppositions sur quelque chose de gluant et long. Et de long. et la chronique que j'ai écoutée avec Jasmine Raymond-Dréville tout à l'heure. Mais pour l'instant, on écoute l'Info Campus. Ça te tente-tu? Oui. C'est fou. Pour l'écouter, c'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 17 janvier 2013. Il s'appelle François-Louis Marchand. Et lui, il s'appelle Mathieu Plante. Oui, je pense qu'on devrait commencer à glisser le mot là, que François-Olivier, sa dernière journée m'en va. À Assemblage Requis pour un bout. Hein, tu vas revenir à la fin du mois de février. 5 semaines. Ça donne quoi, ça? 5 semaines. Écoute, c'est une très bonne question. Je l'ai pas calculé. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le 25, possiblement, février. 25 février, je devrais être ici. Ça va être le fun de te revoir dans ce temps-là. Mais pour l'entre-deux, si on veut, la période où tu seras pas là, on va voir Jean-Philippe Charbonneau à l'animation. Exactement. Voilà. Jean-Philippe qui anime déjà Melon Miel et les shows de Bruxelles. Est-ce que c'est Melon Miel, est-ce que c'est les shows de Bruxelles? Ça dépend des gens. Et puis, Jean-Philippe aussi qui s'occupe des soirées cachées. Oui. Donc, on va pouvoir parler de musique et de plein de choses ensemble. Tout à fait. Ça va être à partir de lundi à 7h pour 5 semaines, comme on disait. Évidemment, tu vas manquer la fin du mois de janvier épique. Je vais te faire un résumé à ton retour de tout ce que tu as manqué. Parfait. Parce qu'il y a encore tout plein de choses qui s'en viennent. On n'a pas mentionné jusqu'à date aujourd'hui dans l'émission. Mais janvier épique, ça veut dire quelque chose de nouveau à tous les jours du mois de janvier. À tous les jours, quelque chose de nouveau. Et ça va être la fin. On aime ça. Okay. On aime ça? Ben, on aime ça. En tout cas, une chose est sûre, François Landry, c'est nouveau de cette année. Non. François Landry, c'est nouveau de cette année. Ben, de janvier, il n'a pas fait c'est encore. Sa première chronique de l'année, tout à fait. Mais c'est pas notre chose nouvelle de l'émission d'aujourd'hui. Ça s'en vient plus tard. Pour l'instant, Audionaute, avec La tête ailleurs, c'est une pièce du palmarès francophone. La voici à l'instant, Assemblage Requis sur Cifou. plus qu'une image, qu'un suiveur sans repère qui se perd trop souvent dans le destin d'un fou bonheur. Et toi, toujours à la tête ailleurs. Audionaute et la tête ailleurs. C'est sur le palmarès francophone. Évidemment, c'est fou. Je veux dire, ça pourrait pas être ailleurs, là. Non. Hein? Mais ça pourrait. Parce que c'est bon. Ouais, mais c'est pas. Ah, laisse donc faire. Non. Maintenant, voici Jasmine Raymond-Drainville qu'on accueille pour la première fois cette année. Pour la première fois depuis décembre, mi-décembre sûrement. Voici la chronique AGE-UQTR. AGE-UQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGE-UQTR parce que l'AGE-UQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, pro. Et je m'ennuyais pas de cette flûte-là, moi, ce matin. Moi non plus. Non, pas tellement, c'est la honte. À chaque fois, le visage devient rouge. Ouais. Jasmine Raymond-Drainville, bon matin. Bon matin. Tu vas bien? Ben oui, vous-même. Bonne année, grande année. Mais il est 17, trop tard. Je sais, c'est fini, ça. On peut plus. Moi, j'avais arrêté de le dire, mais on dirait que c'est toi, j'ai envie de te le dire. Après le 10, là, c'est fini. Fini, j'avais entendu 15. Ouais, 15. Plus 15, la moitié du consensus mois. Sur le 15. Je pense que François Landry est d'accord avec nous, ouais. Aussi. Il est là, si jamais il veut parler. Oh, oui, j'ai demandé hier sur Facebook, justement, quand est-ce, c'est quoi la date limite. Puis on m'a répondu le 15. C'est donc ça un arrive. Sondage très scientifique. Toujours, Facebook, c'est fiable. Oui. Facebook, tout ce qu'il y a sur Facebook, c'est la vérité. Donc, Jasmine, on a tout plein de sujets, j'imagine, à effleurer comme ça de la GEQTR. Par quoi est-ce qu'on commence? Ben, tout plein, on en a trois. Ben, j'espère okay. Que dans le tout plein, sinon ça va durer 2 minutes. Mais ça reste au pluriel quand même. Ça, c'est vrai, c'est voilà. Nombreux. Oui. Plusieurs. Oui. Voilà. Donc, tout d'abord, on est en début de session. Vrai. Ce qui veut dire que, en fait, on a des nouveaux cours, des nouveaux profs, des nouveaux plans de cours aussi. Sachez que vous avez des droits par rapport à vos plans de cours et le droit de refuser. À vos cours. Ben oui, mais ouais. En fait, le plan de cours doit contenir. En fait, il y a des. C'est réglementé, là. Il y a certaines choses que. En fait, certains trucs qui doivent être inclus dans le plan de cours pour que celui-ci soit conforme, soit réglementaire. Donc, ben sinon, les profs préfèrent ce qu'ils veulent. On veut pas ça, en fait, là. Donc, c'est ça. Puis les étudiants aussi, là, pourraient faire n'importe quoi. Donc, si vous voulez des formations, des informations sur le plan de cours, sur la révision de notes aussi, sur le plagiat ou comment monter une plainte si jamais vous avez un problème avec un cours, avec un prof ou un chargé de cours. On vous le souhaite pas, mais ça arrive. Mais non, ça arrive. Donc, vous pouvez écrire à Mathilde Loisel-Davidson, qui est vice-présidente aux affaires académiques de premier cycle. Son adresse courriel, c'est le vpacadémique avec un s.age@commercialuqtr.ca. Donc, elle peut vous aider là-dedans. Puis, si toutefois, c'est au cycle supérieur, donc maîtrise, doctorat, que vous avez des problèmes, donc pour les mêmes raisons, en fait, vous pouvez vous adresser à Raphaël Landry, qui occupe le même titre, mais elle s'occupe des cycles supérieurs. Donc, son adresse, c'est le cycle sup, cysupe.agea@commercialuqtr.ca, puis elle va pouvoir vous aider là-dedans, elle aussi. Les adresses sont évidemment sur ageauqtr.org. Oui. Voilà. Exactement. Dans l'agenda aussi, je crois. Oui. Et sinon, en fait, les gens peuvent se présenter directement ici au bureau et oui. puis vous allez les référer. Là, oui, puis en fait, les deux, Mathilde puis Raphaël, leur bureau est situé au 2218 dans le pavillon Albert-Tessier. C'est près de la bibliothèque. Là. C'est pas loin de la cafétéria, là. Oui. C'est le local qui a comme un grillage là, lorsqu'on n'est pas là, donc la cage. Est-ce ça. Que vous appelez ça comme ça, la cage? On appelle ça la cage. Ça semble ça. Oui, donc les deux filles sont dans la cage. Cage aux folles? Mais oh! Non, la cage aux affaires académiques. C'est ça, j'allais dire, évidemment. Voilà, puis sinon, vous pouvez passer aussi... vous pouvez passer dans nos bureaux qui sont situés en arrière de la chaise-galerie dans le pavillon Néré-Beauchemin. Évidemment, c'est oui. là. C'est bien la écrit, cage sexuelle. C'est bien ça. François, Olivier Martin. Merci. Tu leur demanderas à elle, moi, je ne suis pas ses bureaux. Ils sont fines en plus, tu sais, je veux dire, c'est on va leur des insultés comme ça, comme si on les aimait pas. Hey, si, ils se trouvent dans la matinée. Oh mon Dieu. Incroyable. Incroyable. Voilà. Jasmine, donc. C'est ça pour les affaires académiques. C'est fun de te revoir, toi. Ah oui. C'est ça. C'est fun de te revoir aussi. Hey, merci, ça avait l'air long de penser à pouvoir. T'aurais pu dire vous. Mais, ouais. Non, je vous vois pas. On a commencé à chanter. Ça aurait pu m'englober aussi. Mais bon. Ah. Donc voilà. Hey, c'est sujet ça. Numéro 2. Sujet numéro 2. La semaine prochaine, jeudi... En fait, je vais recommencer. Le jeudi 24 janvier, à midi à la Chasse-Galerie, on a Tribune Libre. Oui. Donc, formule qui est quand même connue. Là. On en a eu plusieurs depuis... c'est apprécié, en tout cas. Les dernières années, j'imagine, François. Deux ans. Deux. Bon, c'est la deuxième année. Donc, c'est la troisième. Troisième année à la Chasse-Galerie. Voilà. Chasse-Galerie 10-12. Ah ben, c'est donc Chasse-Galerie. Chasse-Galerie. Chasse-Galerie. Vers l'heure du midi. Oui. Donc, vous pourrez amener votre lunch ou manger un sandwich. Miam. Puis, je vais vous dire, en fait, pourquoi vous déplacez là. On reçoit Françoise David, qui est la députée de Québec solitaire dans Gouin. Donc, voilà. Puis, c'est la co-porte-parole. Co-porte-parole de Québec solitaire. Voilà. Donc, vous pourrez venir nous entretenir de... plein de sujets. Là. On ne sait pas quoi précisément, mais ça va sûrement... j'imagine que vu qu'on est à l'université, elle va toucher à la crise étudiante, à son rôle de député, puis à plein d'autres choses. Mais en fait, venez lui poser vos questions si jamais cool. vous en avez. C'est vraiment très cool là, qu'on la reçoive. Donc, c'est une belle formule aussi. Sincèrement, oui. Écoute, c'est agréable. Tu te sens... tu peux poser des questions, en fait, et c'est bien fait. C'est vraiment une belle initiative. Puis c'est le fun parce que aussi les invités qu'on a habituellement, c'est pas des personnes qui sont trop gênantes. Denis Coderre était venu cette année. Oui. Si je me trompe pas. Cette année? Oui. Ouais. Donc François me confirme. On a eu aussi Robert Aubin qui était venu l'an passé aussi. L'année passée, on a eu Amir Kadir. Amir Kadir, exact, ouais. Le jeudi 15 mars. Jeudi 15 mars. Des gros noms. Tabarouette, tu l'as retenu, celui-là? On avait l'Assemblée générale de Grève l'accueil. Okay. C'est ça. Il y a des points dans sa tête temporelle. C'est ça. Donc, soyez là jeudi prochain à midi à la Chasse-Galerie. À quelle église Saint-Denis? Oh. Je ne répondrai pas à cette question. Ah, OK. Voilà. Sujet. Je ne sais pas. Numéro 3. Numéro 3, je vais vous dire les dates. Les 4 et 5 février prochains, en après-midi, à l'Atrium... dont le nouveau nom m'échappe, mais l'Atrium qui est dans le pavillon Ringuet. Le CEU. CEU. Donc voilà. Centre d'études universitaires. Le Q. Le Q. Universitaire ou universel? Universitaire. Donc en tout cas, l'Atrium, le seul Atrium qu'on a, c'est le colloque multidisciplinaire des cycles supérieurs. Donc l'année passée, il y en avait eu un aussi. Donc comme j'ai dit, ça dure deux jours, c'est en après-midi. C'est des étudiants qui sont au cycle supérieur, évidemment, qui viennent présenter leur projet de recherche. Ils ont environ 20 minutes chaque pour présenter leur recherche, puis ensuite répondre aux questions des étudiants. C'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment dans plein de domaines. Là, donc, je pense que tout le monde peut y trouver son compte, en plein ça. Donc, pour vous inscrire, c'est tout à fait gratuit. Vous avez juste à écrire à Raphaël Landry à l'adresse mentionnée précédemment, puis mentionner immédiatement, puis le cycle sub.agea@commercialuqtr.ca. Vous devez réserver votre place parce qu'il y a quand même un nombre maximal de personnes qui peuvent entrer dans l'atrium, puis aussi il y a des repas qui sont fournis. Oh. Donc le mardi midi, il va y avoir un buffet froid, puis... c'est un lundi puis un mardi. Donc le lundi midi, il va y avoir un buffet froid, puis le mardi, ça va être un souper chaud. Okay. Un buffet chaud, voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut réserver les places pour qu'on puisse calculer les starter portions. Starter le micro-ondes. C'est en bien ça. Starter le micro-ondes. Frigidaire. Voilà. La petite horloge qui flash le 12, là. Pas le fun, ça. Ben non. Non. On va ajuster l'heure. C'est pas pertinent. Non. C'est pas grave. Donc, voilà. Inscrivez-vous. Oui. Vraiment, c'est... Pardon. Donc, vraiment, c'est super intéressant. Moi, j'y avais assisté l'an passé pas mal les deux jours, puis c'est même le fun. T'as bien aimé ça. Il y a des profs aussi qui viennent présenter des recherches. Parfait. Et pour terminer un petit peu sur la GEQTR, hier, c'était le party, le spectacle de la rentrée. Oui, donc on avait quatre spectacles en tout, deux à la Chasse-Galerie, deux au 10-12. Il y a eu pas mal de monde. C'était un premier essai, là, si on veut, de party de la rentrée à l'hiver. Depuis longtemps. Ça a bien fonctionné? Oui, depuis quand même longtemps. Je ne pourrais pas vous dire le nombre d'années, mais ça a vraiment fonctionné. J'ai été très surprise. Là, j'étais là à l'accueil, puis j'ai été surprise de voir le nombre d'étudiants qui se sont déplacés pour l'événement. OK, il y avait de match-up et des options ici du côté de la Chasse-Galerie. Oui. Et MTL et Danny Fernandez. Oui, Fernandez au niveau du 10-12. Et ça a bien fonctionné, ouais. Oui, mais moi, j'ai quitté vers 1h ce matin, et puis le 10-12, il y avait quand même... C'était plein. Il y avait pas mal de monde. Il y avait, la deuxième partie commençait à minuit, donc ça finissait quand même assez tard. Oui, on imagine que ça s'est terminé tard, là. J'ai pas eu le temps, là. Il juste, on est 7 heures plus tard que mon départ hier soir, donc j'ai pas pu faire de bilan, là, si on veut, sauf que le 10-12 était vraiment plein, là, quand j'ai quitté, puis la chasse durant toute la soirée aussi. C'était plein. C'était bondé, là. Et c'était gratuit, évidemment. C'était gratuit pour les étudiants de l'UQTR qui présentaient une preuve de leur statut d'étudiant à l'UQTR, puis sinon, c'était 10$. OK. On va parler dans le prochain Zone Campus, de toute façon, de ce spectacle-là, avec plein de photos aussi. Pas que je veux faire de la pub pour Zone Campus, là, mais c'est ça pareil. Non, mais c'est correct. C'est correct. Bon, ça l'a dit. Ben oui. Voilà. Donc, merci beaucoup, Jasmine, c'est tout. Oui, merci. Ça fait plaisir. Merci, merci, merci. On va te retrouver tous les jeudis à 8h pour ta chronique à GEQTR. Ouais. Ouais. Dans quelques minutes, François Landry et la chronique Logocratie 101, année du serpent, 2013, année du serpent, première partie. Ouais. Avant ça, on va faire en sprint une nouvelle chronique parce que j'avais dit qu'il y avait quelque chose de nouveau à tous les jours pour le mois de janvier épique. Hashtag janvier épique. Vas-y, vas-y. Mais pour l'instant, voici Mother Mother. La pièce Businessman. À son âge. Went to the good school, left with honors, brand new tycoon, sitting with the heart. Businessman de Mother Mother. Tout le monde change de place, chaise musicale. Ouais, je l'ai pris personnel. Ben oui. François-André est assis juste à côté de François-Olivier Marchand parce que Jasmine est à ma gauche, mais là, le François est rendu à ma gauche, ouais. Tout loin de tout le monde. Ouais. Mais on fait un triangle viril, le festival associé, etc. C'est plus beau comme cuissomme. Comme cuisson? Comme cuissomme. Okay, je pense parler de cuisson de saucisse. J'étais comme un peu, n'amène pas la lèche, c'est loin ça. Maintenant, vous le savez, tout le mois de janvier, c'est le janvier épique. Mmh. Le janvier épique, c'est le hashtag que j'ai utilisé sur Twitter pour partager la bonne nouvelle, comme la Bible. Répandre la bonne nouvelle. Répandre la bonne nouvelle, c'est ça. Tartiner la bonne nouvelle, si on veut. Et j'avais oublié de faire ma nouveauté pour aujourd'hui, mais c'est une chronique quickie. De toute façon, je me suis fait des nouvelles. Tu sais, j'étais tanné de faire le temps, c'est un film, à un moment donné. Des petites chroniques. Comment ça, tu te mets ça dans le coin de la joue comme tu fais ça, un écureuil? Un écureuil. C'est ça? Ouais. Coin de la joue. Prends des provisions. Petite chronique qu'on va voir insérer entre les autres quand qu'on a besoin d'une chronique pertinente, comme toujours. Mm-hmm. Donc voici son foutu palmarès. Interminable intro de chronique, comme toujours. Son foutu palmarès, c'est la chronique où je vais vous présenter, en fait, un petit top, un palmarès. Son foutu palmarès, c'est un peu le nom. De choses diverses, c'est juste une liste de choses, c'est juste une liste comme de commission. Et aujourd'hui, on va faire le top des acronymes, des initiales, mais pour vous dire c'est quoi que ça veut dire, ça. C'est intéressant, ça, quand même? Tout à fait. Hein? Bon. Donc, BMW. BMW, les voitures. Ça veut dire... Bayerische Motorenwerke. Ok, ce qui veut dire Bavarian Motor Works. Ah, moteur bavarois. Intéressant. On va rappeler juste parce qu'on l'a pas dit avant que François-André est là, il a le droit de parler. Ouais, mais je comprends absolument rien de l'allemand, donc même si je vais te donner raison. Bavarian Motor Works en anglais, c'est quasiment. Motors, je l'aurais eu, je pense. Ouais, pas mal ça. Ouais. L.L. Bean. Font des vêtements, entre autres, c'est Leonwood Bean. Donc son nom, c'est Léon Wood Bean. Ah. Donc L.L. Bean. CVS, les pharmacies CVS. On n'a pas ça au Québec, non. Mais quand même. C'est pas la Canadian Broadcasting Society? Non, ça aurait été bien, ça. Ouais. Canadian Broadcasting Corporation, c'est la CBC, ouais, ça aurait du sens. Non, c'est Consumer Value Stores. Ah. OK. On voit ça souvent sur les zippers de jeans, YKK. Oui, ça, je sais, c'est un long, extrêmement long, oui. Mais je suis pas capable de le prononcer. Ça veut dire Yoshida Kigi Kabushigi Kagaisha, ce qui veut dire Yoshida Manufacturing Corporation. OK, c'est ça. Corporation de manufacture. C'est eux autres qui font les zippers? Ouais, c'est ça. Tu sais que ton zipper de fly, là, c'est marqué YKK. Tu te demandes tout le temps. Tu venais checker? Non, ben, c'est tout ça. Ils ont le monopole du zipper. Et voilà. C'est les seuls. Ben, raide. Hein? Pour vrai? Wow. Ouais. Okay. C'est même pas des jeans, hein? Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est des pantalons de corps du roi. Au moins le zipper de qualité. Ouais. C'est bon. Au moins le zipper de qualité dans le pantalon. Au moins ça. IW, ça veut dire Roy Allen et Frank Wright. C'est les deux fondateurs. Ouais, les deux frères, ouais. M&M's. Ça veut dire Mars and Murray's. C'est les noms de famille des cofondateurs. Matt Soniak. Excuse-moi. C'est Forrest Mars et Bruce Murray. Voilà. Est-ce que ça a un rapport avec les M&M, la chaîne de... L'alimentation. Ouais. Bonne question, je pense. Non, aucune idée, hein, non. Sûrement pas. 3M, une autre affaire avec des M. Ça veut dire Minnesota Mining and Manufacturing. Ouais. 3M. Intéressant. HSBC, les banques. C'est Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Oh, je t'assure, c'était canadien. Ben moi non. Aussi. Hong Kong, Shanghai. Mmh. Qui aurait cru ça? TCBY, on voit ça des fois à Montréal, chaîne de crème glacée. Ça veut dire The Country's Best Yogurt, le meilleur yogurt au pays. Gros. Mais avant ça, ça voulait dire This Can't Be Yogurt, une sorte de parodie de I Can't Believe It's Not Butter, là, la marque de faux beurre américaine. C'est un peu genre de blague comme ça. Kmart, le K, c'est pour le fondateur Sébastien K. S, pardon. Sébastien S. Kresge. Une chose que c'est pas Kresge Mart. Kresge? J'en saute quelques-uns qu'on n'a pas au Québec. J.C. Penney, c'est-à-dire James Cash Penney, magasin de vêtements. CBS, t'en parlais tantôt, Columbia Broadcasting System. Oh, je t'approche. T'es très, très proche. Proche. Taser, on a déjà parlé de celui-là, mais Taser, quand même, c'est intéressant. Ça veut dire Thomas A. Swift Electric Rifle, l'arme électrique de Thomas A. Swift. C'est un acronyme, un Taser. Ben oui. Oh, incroyable. Intéressant. Smart Car, moi, je ne savais pas, c'est pas une voiture intelligente, là. C'est pas comme les téléphones cellulaires. Je m'en doute pas. Ça veut dire Swatch et Mercedes. C'est une collaboration entre les deux. Okay. Swatch Mercedes Art Car, donc Smart Car. Code postal aux États-Unis, ça s'appelle un zip code. Oui. Et zip, c'est Zone Improvement Plan. C'est donc c'était un nouveau plan d'amélioration des zones, j'imagine, pour les le courrier. Donc, aux États-Unis, zip, c'est ce que ça veut dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a des choses qu'on pourrait connaître. Là, on a des prénoms d'auteurs. Hunter S. Thompson, c'est Stockton, son nom. Okay. J.R.R. Tolkien, le gars qui a écrit Le Hobbit, c'est ça? Et Le Seigneur des Anneaux. C'est John Ronald Rule Tolkien. On peut comprendre l'abréviation, alors. Michael J. Fox, son deuxième nom, c'est Andrew. Mais le J, donc, est juste pour faire beau. James. Ben, Michael James Fox. Ouais, il Jocelyn pas, ou... Jocelyn. Ben, il est Canadien, hein? Faut pas oublier, c'est un Canadien, cet homme-là. Ça aurait pu, oui, peut-être que son oncle peut-être. Ou son parrain était un Jocelyn. sinon, la compagnie de courrier DHL. C'est Adrian Dalcy, Larry Hillblum et Robert Lynn, DHL. Il écrit pas ses camions, ça. Pourrait peut-être... un concurrent de McDonald's style pour enfants aux États-Unis, Chuck E. Cheese, sa deuxième, la lettre du milieu, Chuck E. Cheese, ça veut dire Entertainment, Chuck Entertainment Cheese. C'est original. Le super-héros des enfants, Alf, dans l'émission de télé, là, c'était... C'est un acronyme. Ça veut dire Alien Life Force, Form, pardon. C'est le nom de Gordon Shumway, son personnage. C'est son nom, son surnom. Le personnage s'appelle Gordon Shumway. Je sais pas. Je sais pas. Pas le gars qui joue Alf, mais bien le personnage, Alf, oui. Son vrai nom. Et Alf veut dire Alien Life Form. C'était une petite marionnette extraterrestre qui vivait avec une famille. Il était drôle. Il était méchant, mais tu sais, genre. Il voulait manger le chat. Ouais, c'est ce que je me rappelle de cette émission-là. En tout cas, je pense que ça fait le tour pour son foutu palmarès. On va faire ça une fois de temps en temps. Juste une petite liste de choses cocasses. Fun à savoir, tu sais. C'est le fun d'apprendre des choses. Ça se plug bien dans une conversation. Exactement. Savais-tu que Alf, en parlant de tes bourses d'études, ça voulait dire Alien Life Form? C'est ça? C'est un peu comme toutes les chroniques que tu fais, mais c'est la mission éducative de l'émission. Voilà. Donc, on fait des branches, des sous-branches de chroniques. Voilà, donc après la pause, c'est vrai, c'est la chronique de François Landry, Logocratie 101. Pour l'instant, on écoute Psychanalyse numéro 9 de Willie Byrne. C'est fou. 89.1 FM. Ben, on pourrait faire une liste, un top 89, genre, de nos meilleures blagues. Hein? Non, ça, jeu de mots de spaghetti, puis... Un melting pot. Un melting pot. Un melting pot de C'est fou. Miam. sympathique, c'est d'être sympathique. C'est plutôt utopique. Être sympathique, c'est plutôt utopique. Oui, car je suis, oui, car je suis, trop souvent cynique. Oui, car je suis, oui, car je suis, oui, car je suis, trop souvent cynique. Au retour, oh, attention, quelqu'un à la porte, ça sonne. Ah, oh, c'est oh, un serpent, oh. Serpent sonate. L'année du serpent, c'est le sujet de François Landry, c'est mauvais. Rassemble qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Lundi. À assemblage requis. Simon Fitzbé se fera un plaisir de chialer dans son segment Simon Humeur vous déplaît. On retrouvera Véronique Mille avec sa chronique du bureau de la résidente et on cultivera notre côté artistique avec Alexandra Carignan, le temps d'une culture. C'est lundi 7h à assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. François. Mathieu. Ouais, 8h36. Ouh. Moi, j'ai 37. 37? T'as un peu long, 36, sinon je serais bientôt en retard. François Landry. Oh! Oui! Bon matin! Moi, je suis là! Yeah! T'es là depuis un bout, puis on apprécie, c'est le fun. Ben, quoi, je suis plaisir. Est-ce qu'on commence à caler tout de suite, pas perdre de temps maintenant? Pourquoi pas? Voici Logocratie 101. S'il vous plaît. Le début est solennel. Dangereux. Royal. Gang sister. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Royal. François Landry, première chronique de 2013. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Good. Bonne année. Yeah, moi, j'en profite. Là. Ah, bonne année. On s'assume. Hey, rebelle. Hey, ben oui, écoute. Moi, les règles, là. Fuck, vive l'anarchie. Tu me diras pas quoi faire, t'es pas ma mère. Donc aujourd'hui, année 2013, année du serpent, première partie, c'est intriguant. François se demandait si c'était. C'est quoi ta théorie déjà? Serpent échelle? Ouais, le jeu, ça monte, ça descend? C'est pas fou. J'aurais voulu faire une chronique. Oui, on pourrait faire une chronique jeu et politique, à savoir que le jeu de serpent échelle, tout le monde connaît ça. Ouais. On lance des dés, on pogne un serpent, on pogne une échelle, on monte, on pogne un serpent, on descend. Donc, est-ce qu'on pourrait faire un lien avec Pauline Marois qui a monté les échelons politiques? Et qui va être appelé à descendre. Et qui va être appelé à descendre prochainement. C'est une théorie. La théorie du serpent et l'échelle, oui. Je vais envoyer ça au PQ sur Twitter. Je vais me faire ramasser, mais c'est pas grave. Ah, c'est ça. Ils vont t'envoyer des pipés. Ouais, ils sont bons là-dedans pour foutre. Ben oui. Hein? Ah? Non, je me suis dit, comme première chronique de l'année, tout le monde font ça habituellement dans les grosses radios, dans les horoscopes. Hein? Non, tu connais. Moi non plus, mais pas le choix. On est envahi de tout ça à chaque fois que quelqu'un en parle. T'as-tu écouté de l'horoscope d'un tel? Ah, gars. Je me suis dit, je vais me fondre dans la masse, puis je vais faire moi aussi ma chronique horoscope. Mais tu vois, ça va être assez short and sweet, Mathieu. L'horoscope de choix. Ouais, Madame Rotini, ou comment on t'appelle? Ouais, vous pouvez m'appeler Francesco Landry. Francesco Landry. Landry. Simplement. Oui, parce que selon l'horoscope chinois, le 10 février prochain, l'année 2013 passerait de celle du dragon, qu'on est présentement, là, okay. Le saviez-vous, ça vous a intéressé, à celle du serpent. Okay. Et le 10 février? Le 10 février okay, prochain. C'est pas le 1er janvier? Hey, non, ça, c'est les catholiques. Là, c'est américain, toi. L'horoscope chinois, tu sais, ils parlent mandarin. Ils mangent des yagons. C'est ceux qui contrôlent le monde, là. C'est eux autres, les Chinois. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'habituer à parler leur langage, donc l'horoscope chinois. Il faut commencer par ça, c'est plus simple. Donc, c'est l'année du serpent. Puis ce qui est bien, c'est que moi, de par ma date de naissance, je suis serpent. Donc 2013, watch out, c'est mon année. Oh, ouais. Aucune idée, mais je trouve ça cool. Je suis un serpent dans l'année du serpent. Donc en principe, j'espère. Ça peut juste être bon. J'espère. Je te souhaite. On verra bien. Oui, on annonce l'année du serpent comme celle de la réflexion et de la sagesse, individuelle ou collective. Une année où les arts et de l'esprit les penseurs seraient enfin à l'avant-scène. Donc, c'est là le lien avec moi. C'est là que tu es penseur. Je vais aller en avant. T'es humble aussi. Très, très. Ben, c'est ma première qualité, humble, oui. Uh-huh. Toujours. Suivant l'année du dragon, où l'on prédisait des retournements étonnants et des scandales à la pocheté, plus de réflexion sera en effet de mise, du moins si elle mène à des actions décisives. Donc, on voit que même les Chinois parlent de politique québécoise. L'année du dragon, c'était des retournements de situation. Puis l'année du serpent qui s'en vient sera une année de réflexion. Donc, Commission Charbonneau... Hein? On réfléchit sur ce qu'on a fait. Ça, c'est voilà. Pas une année de réflexion comme la construction sur les routes, tout ça. Fait, ça peut durer 10 ans, Mathieu. Okay. Ah, c'est, ça, c'est l'année de la vie. C'est très bien. C'est, oui, l'année de la vie. Oui. Oh, c'est bon. Hein? Ah, c'est bon. Donc, l'année du serpent se passerait dans un climat propice aux intrigues et aux complots des personnes influentes et qui seront mis sous enquête, faisant parfois face à de lourdes accusations. Donc, ici, on pense immédiatement à la Commission Charbonneau. Bref, si 2013 sera l'année du serpent, espérons qu'elle nous fera au moins avaler pas mal moins de couleuvres qu'en 2012. Oh! Hein? Donc, au Québec, il faut savoir que 2013, c'est une année, c'est plate à dire, là, mais une année préélectorale. Je sais, j'en fais taper. Toutes les années sont préélectorales. Toutes les années sont préélectorales, mais évidemment, 2013 encore plus. Pauline Marois, elle est très, très, très assise sur un siège éjectable. Son trône est éjectable. Elle a quelques députés, sans plus de plus que l'opposition réunie. Avec une division de l'opposition, le Parti libéral qui se cherche un nouveau chef, tout ça fait en sorte qu'on ne sait pas ce qui peut arriver à l'Assemblée nationale. Du jour au lendemain, ça peut péter. Mais on peut s'entendre qu'au moins, soyez tranquille, le printemps, l'hiver et printemps 2013, ça sera tranquille. Et tant que le Parti libéral n'a pas de chef, voilà, c'est le gros défaut. Et aussi, on va le voir, je vais énumérer chaque parti, qu'est-ce qu'ils vont. Mes prédictions 2013 pour chaque parti politique, les gros partis politiques au Québec. La fin de la CAQ. Là, c'est pas la même prédiction, ça. Mais c'est il y a un petit drapeau blanc qui va être ajouté au-dessus de la CAQ, par contre, pour dire attention, les boys, parce que ça pourrait jouer rough dans les coins droits. Ouais. Donc, le gouvernement Marois étant minoritaire, 2013 sera fort probablement une année préélectorale. Et surtout que le Parti libéral, la CAQ, Québec solidaire, Option nationale, se préparent déjà pour les prochaines élections. Ils sont déjà en train de roder leur machine. Ben, on l'a vu, ça est passé de Nicolette de la circonscription. De la circonscription de Nicolette à Montréal. Effectivement. Québec solidaire qui va avoir 2 à 3 congrès cette année pour peaufiner leur plan de match, leur plateforme. Aller chercher des membres. Et, oui, en plus. La CAQ va se réorganiser autour de leurs élus qui ont seulement 19 élus, eux autres qui pensaient en avoir 40. Ouais. Donc, eux autres vont dire, OK, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, ils vont faire un examen de conscience. Et le PLQ, on en parlait, se cherche un nouveau chef. Donc, habituellement, le chef donne du sang nouveau. Donne des idées nouvelles. Donne un vent nouveau parti. En principe, c'est un nouvel élan. Donc, la population va dire, ouais, un nouveau visage, je peux y... On l'aime ou on l'aime pas. C'est ça, exactement. Donc, pour Pauline Marois, revenons au PQ, la question principale sera savoir si oui ou non son gouvernement saura convaincre suffisamment d'électeurs à propos de ses reculs et ses virages des derniers mois, à savoir est-ce que le gouvernement est crédible, est-ce qu'il est en autorité, est-ce qu'il est compétent, tout simplement. Donc, au lieu de convaincre la population du bien fondé de son gouvernement, elle devra convaincre sa population que, hey, oui, on est crédible. On laisse la place. Ça, là, on est crédible. Ensuite, on va pouvoir passer de nouvelles lois, être une meilleure, un meilleur gouvernement. En revenant sur plusieurs engagements électoraux, même lorsque son statut minoritaire ne l'y obligeait en rien, ce gouvernement aura fort à faire cette année, justement, pour rétablir son facteur authenticité et crédibilité. Bref, son dernier budget taillé sur mesure pour la classe d'affaires et pour les agences de notation a déçu grandement et a mis un frein aux aspirations d'une population qui, après le printemps dernier... Du 99%. En effet. Je vais acheter de l'EF, effectivement. où on avait de grandes espérances, mais on a été déçus de par le budget. On a dit « tout ça pour ça ». Moi, ça a été ma première réflexion, puis je vous en avais parlé à ma chronique. « Tout ça pour ça ». Puis là, on s'était un peu ostiné. Je repars mon pas, là. Non, je repars pas. Je fais juste mes prédictions pour l'instant. Puis je sais que tu pars en vacances pour 5 semaines, fait que je suis en paix. J'espère que Jean-Philippe connaît la politique, parce que ça va être difficile pour moi. Inquiète-toi pas, je vais l'intéresser. Est-ce que aussi le gouvernement québécois aura tellement de choix, de dossiers différents où ils vont pouvoir se montrer? Il y a, surtout, on commence par le sommet sur l'éducation. Il y a lieu aujourd'hui même, ça commence à Sherbrooke. avant les fêtes, c'était à Trois-Rivières. On a vu ça, la grosse classe politique avec le BlackBerry. Puis leur, juste devant nos studios, d'ailleurs. Devant vos studios, ils vous bloquaient l'accès des fois. Ça, c'est toutes les attaches politiques. On se faisait regarder louche. Moi, je regardais louche. Ouais. Moi, j'y étais juste en chemise de main, pas de veston. Là, j'étais le mouton blanc de la gang. Ouais. Le mouton blanc. Le mouton blanc. Oui, le sommet sur l'éducation supérieure promis pour février prochain en réponse à la grève étudiante du printemps 2012 sera l'un des premiers tests du gouvernement, le premier gros test du gouvernement. Certes, ce ne sera pas le seul, néanmoins, il marquera le pont pour l'avenir. Donc, un bon gouvernement pour demain. C'est le sommet sur l'éducation. Après avoir appuyé les assos étudiantes contre la hausse des frais de scolarité, on se souvient que Pauline Marois arborait le petit carré rouge. Ça a fait l'objet d'une campagne publicitaire aussi. Voilà. Du Parti libéral. Tout à fait. Pas disgracieuse, mais on peut-tu passer à autre chose? C'était assez. Il restait de l'argent d'élection, puis ils ont dit on va faire ça. Mais sans pour autant avoir développé un contre-discours articulé à celui présumé. Du Parti libéral, celui de la juste part. Il n'y a pas de contre-argument jusqu'à maintenant. Donc, le gouvernement Marois fait juste dire on va étudier, on va recueillir, on va lire les documents, mais développe ton discours, on ne sait pas. Tout le monde dit c'est l'indexation. Mais je vous rappelle que seule Pauline Marois est pour l'indexation. Le Parti québécois est pour le gel des frais de scolarité. Ça doit passer en congrès. Donc, quand on me dit que le Parti québécois défendra l'indexation, je m'excuse, mais les jeunes péquistes qui ont voix au Congrès, eux autres sont pour le gel, et le Congrès est pour le gel, donc... C'est... Pour le gel, mais par contre, si, exemple, bon, la CAQ est pour la hausse, le Parti libéral aussi... Ouais. Tu sais, dans le sens où faire passer ça, ça relève pas nécessairement de simplement du Parti québécois. Non, effectivement, sauf que dans leur position officielle, c'est le gel. Ouais, donc, okay. Parler d'indexation officiellement, ils devront passer ça en congrès. Donc, respecter les instances démocratiques du parti. Donc, on arrête de me dire qu'ils sont pour l'indexation. Le Parti québécois est pour le gel des droits de scolarité, ni plus ni moins. Mais ça, Pauline Marois, est-ce qu'elle sait? Je pense qu'il faudrait l'appeler pour lui dire ben, as-tu lu tes positions? Ben, c'est ça. Il y a assis debout en chambre, c'est mais il y a problème. Aussi d'autres positions politiques qui font dire que tu peux parler, ouais. Mais surveille ton langage. Hein? Donc, assis debout en chambre, ça veut dire coucher, ça? Pas elle, la caméra est toujours braquée sur elle, mais il y a des backbenchers qui dorment effectivement en arrière. Donc, oui, en chambre, ils dorment. D'accord. Une autre occasion sera le dossier des ressources naturelles, lequel promet d'être un des plus chauds de 2013. Ouais, vraiment, plan Nord? Entre autres, le plan Nord. Gaz de schiste. Et surtout, toutes les richesses naturelles partout au Québec, entre autres Anticosti, où on vient de découvrir deux fois plus de pétrole qu'on pensait qu'il était pour y avoir là. Ouais. Et là, Hydro-Québec s'est départi de son monopole sur Anticosti. Très bizarre, hein? C'était louche. Disons qu'on aimerait ça voir les dossiers, les contrats. Non, mais c'est... C'est louche. Là, pour l'instant, c'est privatisé. Donc, des pétrolières vont pouvoir aller faire du forage là, voir qu'est-ce qu'il y en a. Ils vont tout scraper ça. Moi, c'est ça qui me fait capoter parce que l'île d'Anticosti, écoute, pour les chasseurs... C'est un joyau de la nature. C'est ça, exactement. Écoute, c'est une industrie touristique à elle seule. Il y a des gens des États-Unis, de l'Europe, du Japon, de l'Australie qui viennent chasser en Anticosti. C'est une place rêvée, là. Oui, c'est beau, en plus. C'est une place rêvée. Mais écoute, avec ça... En tout cas, ça n'aura même plus l'ombre de ce que c'est. Exactement. Donc, plusieurs petits dossiers aussi en rafale qu'il faut surveiller. L'affaire Boisclair, on s'en souvient. André Boisclair qui a été nommé, une nomination partisane à Québec. À New York, à vie, avec une pension. Sa pension, on l'a refusé. Il n'y a pas eu le choix. Trop de pression politique. Donc, ça l'a entaché. Ça a entaché la réputation d'intégrité du gouvernement, tout en partant, pour dire que le Parti libéral le faisait parce que les Québécois défendaient. Non, nous autres, on le fera pas. Ils le font. Donc, est-ce qu'on peut encore avoir confiance au gouvernement là-dessus? Oui! T'es pas mal prompt. Mais, effectivement, où on peut avoir confiance, c'est une erreur de jugement, sauf que toujours avoir le petit doute, à savoir... C'est louche. Ça s'est fait d'une façon plutôt obscure. Hein? Ouais, ça a été ressorti quelques mois après, je me trompe pas. C'est dans le contrat en caractère 2, sûrement. C'est ça. C'est quelqu'un qui a ressorti ça, qui a vu ça, mais c'était déjà passé. Exactement. Ça faisait quelques temps. Bref. Hein. Oui, effectivement. C'est assez bizarre. Ouais. Donc, là, on peut passer au Parti libéral pour aller vite. Je sais que le temps coule. Choix de chef. Oui, on choix de chef. Le choix de chef, oui, le choix du président. c'est une grosse bouillabaisse, le Parti libéral. Hein? Ça lève pas. Hein? C'est comme manque de cornstarch. Oui, c'est peut-être ça. On va leur mettre un petit peu de poudre. Ouais, et rajouter à ça du charisme. La poudre de charisme. Du charisme. Ouais, non, j'avais compris. Ben, c'était pas très bon. Non, ben, c'est très bon, charisme. Mais oui, effectivement, le premier débat a eu lieu il y a pas longtemps, puis je sais que vous deux, qu'il y a des fanatiques de la politique. Excuse-moi. Je sais que vous avez suivi ça, puis vous n'avez pas entendu parler. Non, mais j'ai voté. Vous, t'as pas entendu parler de ça. De quoi est-ce que j'ai entendu parler dans la vie? De la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Du iPhone 6, t'as-tu? iPhone 6? Il y en avait sûrement, puis il y avait sûrement un gros téléviseur en arrière pour montrer les photos et tout. Oui. Ça t'a teasé un peu, sûrement. Là, ça va, oui, effectivement. Mais effectivement, moi qui suis ça, j'ai même me suis endormi devant le débat. Aïe, c'est pas... oui, c'était le temps des fêtes. Moi, je l'ai pas suivi. Le temps des fêtes, là. C'est la dingue. C'est la dingue qui a pas passé sur... Ben, trois dindons en avant qui parlent non plus, ça passe mal. J'ai des reflux gastriques. Mais c'était terne. Je m'excuse pour les 10 auditeurs qui sont libéraux, mais... C'était terne. Sans émotion. Exactement. Et il crée de faux débats. Pierre Moreau, qui est le troisième candidat dans les sondages, donc en intérêt, a dit « Je veux abolir les cégeps. » Faut créer un débat là-dessus. Là, les journalistes lui demandent « Avez-vous des solutions? » Non, non, je veux juste qu'on réfléchisse. Juste qu'on en parle. Ouais, ben, si vous voulez qu'on en parle, c'est que vous avez des idées. Non, non, non, non. Je veux juste en parler. Le problème, c'est que déjà, on n'en parle plus. C'est fini. Ça fait la une des journaux télévisés, radiophoniques et papier le lendemain. C'est tout. Il n'y a pas de débat là-dessus. Faux débat. Ça me surprend. Les libéraux sont forts pour jouer sur... Écoute, on a un projet monstre. Tu sais, eux autres, c'est comme le plan Nord. Je sais pas si tu te souviens. Ben, ça faisait des années qu'ils parlaient du plan Nord, puis on lui disait, c'est quoi le plan Nord? C'est quelque chose. Puis à un moment donné, c'est quelque chose là-bas. Puis, c'est juste ça. Non, mais c'est ça. Mais ils sont forts là-dessus, eux autres. Oui. C'est comme ça que... T'as façon de faire. C'est ça. Donc, est-ce qu'on peut envisager que la course à la chefferie sera une continuation soft du gouvernement conservateur des 14 dernières années de Jean Charest? Probablement, ça va être low profile. On veut gérer ça en famille. Moins on en dit, moins on fait de conneries. Donc, est-ce que ça pourrait être ça? On veut pas trop se diviser. La famille libérale est unie. C'est la première course depuis très, très, très longtemps, depuis Robert Bourassa, des années d'antan, là. Jadis Naguère. Donc, on s'entend que... Sinon, les autres, les prédécesseurs comme Jean Charest étaient nommés, tout simplement, non? Oui, et c'était à acclamation. Il y a personne qui s'opposait. Non, ben lui, il a même pas été nommé. Il a été cherché. Donc, il était au Parti conservateur d'Ottawa. Ils ont été amenés. Il était l'un des deux députés conservateurs à l'époque. On se souvient que la droite était... Juste dans le temps de... Donc, ça fait 14 ans. Donc, c'est en 98 qu'il est devenu chef du Parti libéral du Québec. Donc, quand Brian Mulroney a quitté, c'est Jean Charest qui a pris la... Il y a Kim Campbell qui a pris la relève, ensuite c'est Jean Charest. Et là, le Parti conservateur progressiste. C'est comme un gouvernement de gauche-droite, droite-gauche. A été balayé de la map du Canada. Il y avait seulement deux députés, dont Jean Charest. Et là, ils ont été cherchés, donc le Parti conservateur est tombé à un député. Bon, rendu-le, écoute, un ou deux. C'est pour ça que c'est fusionné avec l'Alliance canadienne pour former le Parti conservateur du Canada de Stephen Harper. Et il y a Philippe Couillard aussi qu'il faut surveiller, qui est le favori des sondages. Joli barbu qui se la rase puis que ça le laisse pousser. C'est ça, un choix douteux. Ministre de la Santé. Ancien ministre de la Santé, très gros poids lourd, ennemi public numéro un de Jean Charest au sein du Parti libéral. Donc, c'était deux visions qui s'affrontaient. Mais lui, le problème, c'est qu'il est très chum avec Arthur Porter. Et ça, je sais que vous savez c'est qui, Arthur Porter. Porter, c'est pas les avions? Non, c'est pas eux autres. L'ex-patron déchu du CUSUM, tu sais, le Centre universitaire de santé McGill, qui est le CHUM. Ah, l'île aux voyageurs? En anglais. Non, le CHUM. Ouais. Mais en anglais, c'est le CUSUM. OK. Ben, il y a le CHUM pour les francophones. OK. C'est un bâtiment, puis le CUSUM, c'est un autre bâtiment. C'est l'Université McGill. Et lui, il y a eu des fraudes, des détournements de fonds, et c'est Arthur Potter, le directeur général de l'époque. Là, il est en cavale. Et c'est un grand CHUM de Philippe Couillard. Donc, habituellement, tu fais 1 plus 1 égale crotté. Donc, ça pourrait être un squelette dans son placard à Philippe Couillard. On verra bien. La CAQ, je vais aller très très vite. La CAQ, il faut que... Elle espère pouvoir un jour former l'opposition officielle à la prochaine élection. François Legault doit prier très très fort le petit Jésus pour que les révélations à venir à la commission Charbonneau trompent le PLQ. Et le PQ. Oui, effectivement. Mais... Ça, t'as entièrement raison. Le PLQ est déjà bas dans les... Il est déjà attaché. Là, il prie très, très fort pour que ça s'étire jusqu'au PQ. Seul, moi, la troisième voie... Je ne suis pas attaché. Mais encore là, lui, il était dans le PQ dans le temps où... Donc, il peut être éclaboussé par la bande. En même temps, écoute, je pense que la CAQ va finir comme l'ADQ. Bref, prochaines élections, un balayage complet. Non, c'est juste... c'est un cookie dans le Québec. Ça va passer vite. Pour la CAQ, se contenter d'espérer voir ses adversaires trébucher ne suffira pas. pas, évidemment. Si elle veut échapper au sort ultime de l'ADQ dont tu parlais, son chef devra aussi mieux définir son parti comme autre chose qu'un parti qui ressemble encore trop souvent à une réincarnation de l'ère Dumont. Donc, c'est un Dumont 2.0, mais fade. T'sais, qu'il y a eu de upgrade. Et on le voit pas. Il est pas présent. Non. Non, c'est pas un chef ni charismatique. Il y a pas cette sauce-là. Donc, ça lève pas lui non plus. Souvent, c'est Gérard Deltel qu'on entend. Sylvie Roy de plus en plus. C'est l'ancien policier du Chesneau qu'on entend. Mais François Legault, où est-il? J'en ai aucune espèce. On le voit pas. Non. Pour Québec solidaire, avec l'élection de Françoise David comme députée, sera soit une année de consolidation, de visibilité accrue et de croissance, soit une année où cette même arrivée risque d'effacer Amir Kadir au point de démontrer jamais contenter une partie de sa propre base. Oui, moi j'y crois, parce qu'Amir Kadir n'est plus porte-parole du parti. Il a refusé, selon les statuts et règlements du parti, ça prend un porte-parole, un ou une porte-parole parlementaire, donc qui siège à Québec, et un ou une co-porte-parole extra-parlementaire, donc qui est simple membre okay. Du coup. Et là, Amir Kadir, qui était le porte-parole parlementaire, François David, extra-parlementaire, elle se fait élire. Amir Kadir lui a donné le poste de porte-parole parlementaire. Parce que c'était clair au début que c'était elle. C'était clair, oui, tout à fait. Et en congrès, ça a été entériné. Donc, on a dû élire un porte-parole homme extra-parlementaire, c'est André Frappier, qui est très connu dans le milieu syndical communautaire, à Montréal surtout, en région, on le connaît pas. Mais extrêmement connu, qui est quand même un poids lourd. C'est l'équivalent de Manon Massé, pour ceux qui peuvent comparer. Donc, là, Amir Kadir, qui est simple député. Ce n'est plus le président. C'est François David, la présidente du parti. Quoi, c'est la chicane? Non, du tout. C'est juste que lui, Aspé, il est toujours médecin. Il fait toujours de la pratique. C'est un microbiologiste. Okay. Le lundi, il passe sa journée à l'hôpital... Maisonneuve, je le garde. Okay, l'hôpital à Montréal. C'est un médecin. Il fait de la recherche et tout ça. Donc, une journée semaine, il fait encore du travail de médecin. Okay. Et il commence à être fatigué. On le voit, il est moins verbeux qu'à l'époque. Il est moins... Il est moins mordant. Il est moins mordant. Ça fait 4 ans et plus de 4 ans qu'il est député. Donc oui, la passion est toujours là. Il est toujours aussi... Ouais, des dossiers quand même à cœur. Effectivement. Sauf que là, il veut laisser la chance à une relève. Okay. Et la relève se prépare. C'est noble. Option nationale. Option nationale, on leur souhaite un membership. Hein? ils ont 7500 membres quand même. C'est quand même notable. Mais plus de la moitié ont moins de 35 ans. Ouais, c'est ça. C'est des jeunes. C'est ça. Peu d'expérience. Militant, oui. Très idéaliste, oui. Tant mieux. Mais la sagesse, des fois, peut manquer à ce parti. Donc, le défi de Jean-Martin Hossan sera double. Premièrement, parce qu'il... c'est la relève dans le mouvement indépendantiste du Québec. C'est un économiste très crédible qui a fait des études à Londres, à London School of Economics, qui est une tête grise. Le gars, c'est un chef. Donc, c'est la relève. Faut qu'il se crédibilise encore plus. Et secondement, faut qu'il se fasse aller. Il était candidat dans Nicolet Bécancour. Là, il a déménagé à Montréal. Ben, il habitait déjà à Montréal. Il habitait même plus en région ici. Okay. Il habitait à Montréal. Il fait les allers-retours. Mais il a perdu son poste de député ici à Nicolet Bécancour. Là, il est simple membre de l'Option nationale. Il est simple chef de l'Option nationale. Il n'est pas député. Donc, sa voix porte beaucoup moins. Et déjà, on entend beaucoup moins parler d'Option nationale de ce parti-là. Donc, c'est les deux défis de Jean-Martin Hossan de rendre crédible son discours et de se faire élire. Parce que l'Option nationale se résume à un seul individu. Okay. C'est Jean-Martin Hossan. On peut pas afficher d'autres visages à ce parti-là. Ça a eu sa plante. Voilà. Donc, c'est ce que je dis pour 2013 pour la politique provinciale. Donc, une année de consolidation, de réflexion. Watchez bien vos affaires, les grands, parce que... Checkez vos flûtes! Il y aura des élections l'an prochain, sûrement. Bon. François Landry, ouais, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, à la semaine prochaine. Toujours très intéressant. Ouais, la semaine prochaine, deuxième partie, côté fédéral. Oh! Année du serpent fédéral. Oh. Là, il y a des langues qui se mordent. Jeudi prochain, 8h30. Nous, on va terminer Assemblage requis ici. La Belle et les Bêtes s'en viennent dans quelques minutes. Le temps, par contre, de remercier les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire Maxime Bilodeau, Jasmine Raymond-Réville et François Landry. Tout à fait. On les remercie. On se retrouve lundi avec Maxime... Pas Maxime, pardon. Lundi, on aura Simon Fitzbé, Véronique Mire et Alexandra Carignan. La semaine prochaine, François, tu ne seras pas là. Non, je serai pas là. Et tu seras pas là pour les cinq prochaines semaines. T'as pas le droit d'être content. François nous quitte pour un congé de paternité. Donc, ça va être Jean-Philippe Charbonneau qui va te remplacer. Tout à fait. Demain, le maître, sûrement. Demain, le maître. On va voir. On va tester ma polyvalence à animer avec quelqu'un que je connais pas. Ah! parle, essaie de parler de politique, là, essaie de le teaser avant la chronique à François Landry. Ah, je vais y faire un petit cours d'assemblage requis lundi, on va essayer ça. Parfait. On se quitte et on te souhaite un très bon congé. Merci, François. Merci. Merci beaucoup. Un bon congé de moi aussi. Hein. Ben, félicitations. François Landry a l'air à mériter. Comme une semaine de relâche pendant un mois et demi, c'est fun. Donc, merci à vous d'avoir écouté. À lundi, 7h, on se quitte avec The Gas and Anthem pour clore tout ça avec Here Comes My Man. C'est ce que ta copine pourra dire. Voilà mon homme. C'est jeudi. Salut. Singing, oh, sha-la-la, oh, sha-la-la.